Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. C'est Gad Elmaleh. On a encore un public très féminin là. Oui. Hein, c'est. Bon, un mec, oui, d'accord, d'accord. Il y a un mec qui lève la main. Il a été gentil, il m'a dit je suis rentré dans le studio, il m'a dit je suis venu pour toi. Je ne te crois pas une seconde, mais c'est gentil quand même. Vraiment. Ouais, c'est gentil. Et les autres? C'est gentil. Et les autres? Pas du tout pour moi. C'est quoi le prénom du jeune homme? Julien. Merci Julien. Hey. Avec plaisir. Avec plaisir. Je veux un selfie. Ça me touche, c'est directly in my heart. Il veut un selfie, là, bien. Un selfie. I love you. T'inquiète pas, ce sera non. Mais si on fera un selfie tout à l'heure. Ah merci. Ça va les filles? Oui. Vous êtes venues voir qui? Alex. Alex quoi? Alex. Oh, il est beau mec, tu peux comprendre. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Écoute, écoute. Moi, ce qui me fascine chez les fans, c'est qu'elles révisent leur anglais en même temps. Ça, c'est bien, par contre. Parce que moi, la chanson, quand je l'écoute sous la douche, c'est « I was in the one day, ouais, I don't want to be there, and I'm nothing to my own ». Voilà, je n'en sais, mais c'est bien ce qu'il fait. Il est beau gosse, en plus, il sera notre invité tout à l'heure. Vous allez kiffer, les filles. Qu'est-ce qu'on va avoir lundi? Du Tyrol. C'est sa sœur qui fait ça d'après toi ou quoi? Je pense que c'est la frangine, c'est la famille, Ouais. Ouais, quand elle chante comme ça, pourquoi t'irais chercher ailleurs? C'est vrai. Demain, vendredi, Pitbull! Et ça, c'est sa sœur qui chante aussi. Après quelques clopes. J'adore ça, moi. Demain, on en fait deux, hein. On fait Pitbull et puis qui d'autre, Julie? Alvaro Soler. Ah, Julie, vous m'avez mis où, Alvaro Soler? Eh, hey, monsieur! Ah, oui, pardon. C'est vrai, il sera notre invité. Et la semaine prochaine, Kenji. Révise ton espagnol. Après l'anglais, on fait toutes les langues. Faudrait qu'on fasse venir Tokyo Hotel pour réviser l'allemand. Et puis tout le monde serait content, hein. J'espère que ça roule de votre côté, que vous avez passé une bonne journée. Ça va, Julie? Oui, très bien. Pietre aussi? Ouais. Moi, Guéguette va bien. Il y a quoi à gagner aujourd'hui, Julie? Il y a encore des cadeaux de ouf ou rien? Il y a toujours des FIFA 2017, pardon. Voilà. Ouais. 2017, est-ce que vous voulez que je fasse la gagnante? Parce que je rappelle qu'hier, on a fini l'émission. On a un peu zappé, oui, je crois. Ouais, excuse-moi. Hier, on a le double 8. Ouais. Le double Lady Gaga. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On prend le petit train avec Gad et Kev, et puis on oublie. Et puis on s'en va, en fait. Et puis On fait notre petit tour de quartier en petit train. Il était kiffant ce petit train. Ouais, ouais, grave. Allez voir les Merci images beaucoup, sur notre chaîne hein, YouTube. Mais allez voir les images. On a fait venir un petit train que je jure, je pense que personne dans l'histoire de la rue Boileau ici à Énergie n'a vu passer un petit c'est train vrai. Comme ça. C'est vrai. En voiture Simone, il s'appelait. Et on était là et on a fait le tour du capaté de maison assez rapidement, je trouvais. Ouais, c'est vrai, hein, il roulait assez rapidement. C'est vrai, ça passe partout ce truc. Hein. Et on a emmené tous les auditeurs du public faire un tour de petit train avec nous. C'était super mignon. Après, j'ai fait une quête, je me suis mis bien. Et ouais, tout. Normal. Non, mais c'était kiffant. Ah, c'était kiffant. Gad, il a aimé. Ouais, j'ai vu son œil qui s'illuminait. Ouais, ouais. Allez voir la vidéo, là, vous la faites tourner sur notre chaîne YouTube. Et avant qu'on appelle la personne qu'on avait sélectionnée hier pour le W8, mais qu'on n'a pas eu le temps d'appeler, qu'est-ce qu'elle avait à gagner ? iPhone 7. iPhone 7 et l'iPad Air 2. C'est bien quand même. Hein. Ah ouais. Je voudrais féliciter Johnson Desire. Vous avez vu ou pas ? Johnson ou Johnson ? Oh, tu t'en fous, Johnson, c'est pas très grave. Bon, John on va l'appeler. John, il voulait ressembler à un footballeur. Vous l'avez vu cette truc ? Ouais, il est magnifique. Le mec, il voulait ressembler à David Beckham. Bon, après. Ouais. Et il a dépensé 23 000 euros de chirurgie esthétique qu'il a emprunté à la banque pour ressembler à David Beckham. Ouais, le mec, il a fait des crédits et tout. Eh ben, vous savez quoi ? Il lui ressemble pas du tout. Le mec, il fait juste c'est 40 kilos improbable. De plus. C'est-à-dire qu'il aurait, avant de faire de la réparation esthétique, il aurait peut-être dû dire tiens, je vais arrêter de bouffer du saucisson. Non, le gars. Ah non, mais on n'y est pas. C'est David Gros Beckham. C'est-à-dire que c'est. Ah, il ressemble pas. Ah, on est d'accord, hein, c'est pas David Beckham, on est d'accord. Ah, c'est-à-dire que le mec. Il a peut-être le nez. Ouais. Peut-être. Que dalle, il a rien. La couleur de cheveux. Il ressemble plus à moi maintenant qu'à David Beckham. Ça veut dire que c'est voilà Kim Jong-un. Oui, c'est vrai, le coréen. Le coréen du Nord, un petit peu. Allez, vite, on va faire donner du plaisir. On appelle quelqu'un en France et on va lui offrir peut-être l'iPad R2 et l'iPhone 7 dès le début de l'émission. Bam, bim. Comme tout à l'heure, j'offrirai au public une nuit d'amour avec notre invité tout à l'heure. Oh non. Si, si. Ça serait tellement à consommer ce soir. Allô. Campanile de Suresne. Oui, allô. Oui. Bonjour, comment s'appelle? C'est Laure. Oui. Bonjour Laure. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez envoyé un petit SMS hier soir? Oui. Aurait-on oublié de vous rappeler? Est-ce que par exemple on serait allé faire un petit tour, un petit train, puis on a complètement oublié. On a complètement oublié de faire un tirage au sort. C'est qui moi? C'est Koé. Non. Si. Non. Si. Non. Mais non, j'y crois pas. Mais si, j'y crois. Moi j'y crois. C'est vrai? Moi j'y crois. Oh putain! Bon, appelle-moi Koé. Oui, ça ira. Les petits surnoms comme ça, on se connaît pas assez quand même. Hein. Ça te ferait plaisir? Est-ce que ça te ferait plaisir? Est-ce que si je te disais iPhone 7 et iPad R2, ça te ferait plaisir? Oh ben oui! Carrément! Ouais, eh ben c'est cadeau ma chérie! Oh putain! Ouais, merci! Laure, on te l'envoie chez toi à la maison, iPad R2 et l'iPhone 7 qui vient de sortir, on te l'envoie ma puce! Oh putain, merci Corée, mon Dieu, merci, comme je t'aime, merci. Tu vois, je suis passé de putain à Dieu, merci. Ouais. C'est quoi le prénom? C'est l'or. De quelle ville? Quelle ville? J'habite à Menton. À Menton? À Menton? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis couturière. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'offrir ça, ma chérie, d'accord? Ah ben merci beaucoup. Je t'embrasse fort. Tremble et tout, quoi. C'est merci. Vrai. Hein. Ouais, c'est un putain de cadeau. Ouais, ouais. T'as vu un peu ou pas? T'as vu le cadeau de dingue? Si je te préviens, si je te chope en train de le vendre sur le bon coin. Non, carrément pas. Non, en plus, j'ai mon téléphone qui est assez vieux, donc. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort et ne bouge pas, on va te reprendre en antenne. Bisous, ma belle. Merci, gros bisous. Ouais, ça, bisous, je t'embrasse fort. C'était le W8, il peut retomber n'importe quand. iPhone 7 à gagner et l'iPad R2 en distribue du bonheur. Il y aura Céline dans deux minutes. Céline? Oui. Céline, tu bouges pas, c'est à toi. Presque. Oui. Presque. Oui, bouge pas. Bouge pas du tout. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the dark? Would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Notre invité qui est là ce soir, les filles, vous le kiffez. Alex, I don't know. C'est ce que j'ai dit, c'est Alex, I don't know. Quel âge il a, les filles, Alex? 20 ans? D'accord. Il vient d'où? Oh, là, c'est Nutella, j'ai entendu. Nutella? Non, il n'y a pas de Nutella. Non. Il vient d'où? Oh, il n'y en a pas une qui sait. Elle dit si. Tout différent, mais quoi? De quoi? Tu sais ce que Santa tu dis Monica. Santa Monica. Santa Monica. Santa Monica. Santa Monica. Tu sais, Guillaume, le but du jeu, c'est que tout à l'heure, elle parle le micro en haut vers le plafond, il sert à rien. Hein. Et ben, il ne sert à rien pas allumer non plus. Hein. Oui. Ah, mais c'est pour te dire que tu peux. Merci, Guillaume. Donc, alors, attends. Ah bon, j'ai le droit d'utiliser. Vous avez vu comme il est beau? Viens là. Vous avez vu comme il est beau depuis qu'il s'est fait tailler la barbe? Avant, il avait un beau crew. Regarde, ça repousse, ça redevient dégueu. Mais regarde, regardez. Il est fier. Chez le coiffeur, on dirait un footballeur du PSG. Oui, c'est vrai, on dirait, il a le style footballeur. Il a la taille de Messi. Regardez-moi ça. J'ai coupé moi sur mes cheveux, donc je suis très content. Ouais, ben ça, moi, ça m'est arrivé il y a longtemps. Mais en tout cas, touche pas la veste. Ouais. moi, je te touche, mais toi, tu sens une confiance là tout de suite. Tu t'as vu, le mec, il s'y est amical, il commence à me taper. Il était pas loin de te mettre en guerre. Ouais, oui, ne fais plus ça. Ne fais plus jamais ça. Bon, en attendant, ça y est, on connaît tous les gens qui vont faire Danse avec les Stars. Ouais. Vous avez couples. Des couples? Vous le connaissez, les couples, ou pas? Pas tous, soit. Ah, bah, c'est pas mal cette année. Alors, il y aura Karine Ferry. Elle le fait? Ouais. Avec Yann Alric Marteuil. Pourquoi ce rabot? Non. Caroline Receveur. Ouais, qu'est-ce qui c'est, Caroline? Ah, c'est une bombasse, ça, ouais. Ah, c'est celle qui faisait c'est la blonde des. Les anges? Non. Non. La mère la de série, là, ouais. Hollywood Girl. Ouais. Voilà, elle formera avec Maxime Demerez. Valérie Damido, ouais. Avec Christian Millette. Oh, c'est marrant. Sylvie Tellier, avec Christophe Licata. Ah, ouais, c'est pas mal aussi. Et Camille Lou qui va danser avec Grégoire. Camille Lou, moi, je trouve que c'est la nana la mieux gaulée du monde. Clair. À chaque fois, on la voit au NMA tous les ans, la tenue de malade. À chaque fois, on lui dit tu nous excites et ça ne sert à rien. Non. C'est surtout qu'elle s'est déjà dansée. Hein. Olivier Mine. Ouais. Olivier Mine avec Katrina Patchett. Julia Lepers, ouais. C'est drôle, lunaire, ça. Avec Sylvia. Il y aura Laurent Mestré. Je sais pas qui c'est. Laurent Mestré. Laurent Mestré, oui. Non, Mestré. C'est un mec qui a fait Survivor, Lex, je sais pas qui c'est. Avec Denista Nikonomama. Denisa. Florent Mott. Sexy. Ah, mais lui aussi, ça va être un des favoris. Avec Candice Pascal, Kamel le magicien avec Emmanuel Berne et Artus. qui va être avec une nouvelle danseuse qui s'appelle Marie de Nino. Deux humoristes. Ouais, bonjour les vannes. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, ma favorite, on est d'accord, c'est Camilou. Ah, c'est clair. Hein, Camilou. Vous voyez qui c'est Camilou? Celle qui faisait le roi Arthur dans les. Elle envoie du pâté. Bah, elle s'est déjà lancée. C'est l'actrice. Et elle envoie du pâté. Elle envoie du pâté. Ouais. Ah, j'avoue, j'avoue. Alors que Madame Davido, elle a plutôt mangé le pâté. Mais... Oh, c'est dur. Ça va. On est d'accord que ça va pas être évident. De toute façon, cette émission, dès que t'as des rondeurs, c'est pas facile. Ouais. Parce que t'as le public qui dit. T'as le public qui fait. Oh, c'est bien ce qu'elle a fait pour un gros. Quand même. Ah, toujours. Ouais. Tu sais que Valérie Damido va rester un petit peu. Le Perse, il va vite partir. Tu sais rien. Le Perse, ces trucs de salon, il peut ne pas être mauvais. Tu seras surpris. Oui, mais il va vite partir quand même. Et tu sais, ça va se terminer entre Camille Lou et Florent Motte. Ah, Florent Motte peut-être. Ah, oui. Si, Florent Motte, oui, ah, obligé. Ouais. Bogos, Karine Ferry, elle va rester aussi. Karine Ferry, ils vont la pousser loin, ouais, la maison. Ouais, ouais. Et bon, ils la feront pas gagner. Non. Parce qu'elle était à FR, ils peuvent pas la faire gagner. Et c'est bizarre, c'est qu'ils ont mis. Avec, parce que normalement, c'est Denisa au niveau côté danseuse qui est favorite. Et là, ils ont mis qui? Oh, écoute, piète, merde, avec non, un suivre. C'est bizarre, aussi. Ils normalement, ils lui mettent Laurent le favori. Mestré. Laurent Mestré. Je sais pas qui c'est, Laurent. Ouais, regardez, c'est bizarre, parce que normalement, ils lui mettent le favori. On fait un bisou à Céline. Ça va, Céline? Pendant qu'on regarde qui est Laurent Mestré. Céline, est-ce que tu sais qui est Laurent Mestré? Il a fait Koh-Lanta. Dans le pub. Ah, il a fait Koh-Lanta, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Bon, avec les cheveux bouclés. Ah, comme je ne regarde jamais Koh-Lanta. Moi, Koh-Lanta, je suis tombé sur un épisode la semaine dernière. Ouais. Et vous allez croire que je rigole, mais c'est pas une vanne. J'avais l'impression que je voyais l'épisode de Koh-Lanta d'il y a 6 ans. Pareil, c'est je trouve que ça n'a rien changé. C'est les mêmes épreuves, c'est les mêmes îles, ça tous ressemble. C'est les mêmes épreuves. Ça me saoule cette émission, ça ne s'arrête jamais, Koh-Lanta. C'est bien, il faut rentrer dedans par contre. Ça me fait chier, chaque année, c'est les bleus contre les rouges, les jaunes contre les rouges. Moi non plus, les cheveux m'en fous qui se bouffent entre eux et voilà, on en parle. Oh, ah, Céline. J'aime bien. Excuse-moi, ma chérie. Oh, Céline. Oui, bah elle a perdu. Ça fait 10 minutes qu'on parle. Et tu parles en même temps, elle va parler en même temps que toi. Oui, attends, Céline, ah oui, c'est moi, il a fallu du temps. Hein. 22 ans, je vous kiffe. Et Carcoé, tu sais toujours quoi répondre aux auditeurs. Justement, mon mail par rapport à ça, pour une fois, si on inversait le truc, Coé, quels sont tes problèmes à toi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Oh non. Allez, confie-toi. Et toute l'équipe peut y répondre aussi. Oh non. Confie-toi. Ah non. Ah, regarde, il a tellement de tanasse qu'il ne veut même pas en parler. Ouais, ben, ça y est, tu me l'as miné pour la journée. Bien, là. T'as des problèmes? Aucun défaut. Tu veux en parler, mon gogo? Aucun problème. Nous t'écoutons. Non, tout va bien. Écoutez, j'ai une espèce de perfection. Genre, j'ai une vie parfaite. Non, qu'est-ce que tu veux savoir? Ce qui te fait chier en ce moment, tes problèmes, les problèmes de les tout le monde. Les choses qui t'énervent, peut-être. Non, il n'y a rien qui t'énerve. Mais tout m'énerve. Mais vous savez très bien que je suis un nerveux permanent. Il n'y a rien qui me va, il n'y a rien qui me plaît. Mmh. La circulation dans Paris, Koh-Lanta qui n'en finit plus, The Voice Kids qui casse les couilles. Parce que t'en peux plus de ces gamins qui chantent, ça ne s'arrête jamais. On peut plus rouler dans Paris. Ouais. On peut plus rouler dans Paris à cause de l'autre. Tout m'énerve. Les bobos avec leur vélib de merde, tout m'énerve. Mais c'est comme ça que je fais des émissions et c'est comme ça que je fais des spectacles. C'est parce qu'à un moment donné, tout me saoule. Donc comme tout me saoule, j'essaie d'en faire des trucs drôles. Parce que des fois, je me maudis, je me dis, oh là là, t'es un peu un vieux con quand même. Mais en fait, comme j'étais déjà jeune, comme ça, j'étais déjà un jeune con, donc je me dis, autant en faire des trucs drôles et j'en ai fait un one man. Et à chaque fois, là, j'en suis au deuxième, qui s'est rempli sans problème, puisqu'à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, tout le temps des trucs qui t'énervent. Mais j'ai des tanasses, voilà. Sexuellement, tout va bien. Sexuellement, oui. Ça va pas mal. C'est vrai. Oui, mais enfin, vous savez, dès qu'on perd un petit peu de poids, tous les gens qui ont pris du poids le sauront. Quand on perd un peu de poids, quand on a un mec, on revient un petit peu. Ouais, c'est vrai, tu te sens mieux, non? Oui. Non, tu te sens mieux. Tu prends confiance en toi, encore tu te sens un peu mieux. Plus. Tu revois ta teub déjà. Déjà, ça faisait. Je croyais que j'avais loué. Est-ce que ton zizi a grossi? Non, Julie, il a pas grossi. Il était déjà bien avant. Mais par contre, tu le vois mieux. Voilà. Il paraît plus gros, non? Non, pour toi. Toi, tu le vois mieux. Voilà, tu peux lui parler maintenant. Tu peux lui. Je croyais que je l'avais prêté à un pote. Et à un moment donné, je dis tiens. Et là, il est revenu, il est de retour. Il est revenu. Non, ça va. Écoutez le boulot, la télé, la radio, on est ravis. La chaîne YouTube, tout va bien, nos conneries vont bien, le nouveau One Man arrive. Non, c'est une année. T'as pas une tanasse qui t'embête là, qui revient tout le temps? C'est ça qui nous emmerde un petit peu. Oh, qui sont chanchons. Ouais, ils sont chanchons. On a un CSA chanchon en ce moment, qui sont choqués par le moindre mot, le moindre truc. Donc il faut leur dire qu'on vit quand même en 2016 et qu'il y a des mots qui, des fois. On est un peu sous surveillance. Mais pourtant, on fait très attention à tout. On est des policiers du PAF là. On est là, on fait attention à chaque mot de travers, chaque machin. Mais qu'est-ce que je vous dis? On fait ce qu'on peut, hein, on n'est pas des bœufs. Ah ouais, donc à un moment, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, dites-moi. Alors, tu sais quoi? Je vais faire parler l'équipe sur moi parce que comme ça, ça va être plus facile. Le fait que tu puisses jamais conduire de moto de ta vie. Ouais, mais là ça va peut-être s'arranger. Oui, parce qu'il va peut-être avoir le permis. Si j'ai mon code, là je peux passer le permis moto. Ah ouais, mais il y a du boulot. C'est pas avec mes 11 fautes de ce matin que. Ça fait 11 fautes ce matin. J'y arrive pas, je vous jure. Écoute, il y a rien qui te saoule, il y a bien quelque chose que tu kiffes quand même aussi. Alors oui, j'ai un petit scoop en ce moment, il a un nouveau truc super bizarre. Une nouvelle passion. Une nouvelle passion qui est très chiante. Quoi? Qui est super bizarre, c'est qu'il aime bien ses petites bougies. Ah, les bougies d'odeur. Les bougies d'odeur. Ah et bon donc il nous a confié alors que ça, le matin il se réveille et il allume toutes les petites bougies, tous ces petits parfums dans son appartement. C'est vrai. Le premier truc que je fais le matin, à moitié à poil moi, chez moi, toi, j'adore. J'allume toutes les petites bougies. Tu sais, les chauffe-trucs là. Ouais, les chauffe-plats. Tu mets une bougie, c'est comme une huile mais solide. Ouais. Et puis avec la petite bougie en dessous, ça se liquéfie. Et ça sent bon. J'adore. Et ensuite, je mets la musique dans toutes les pièces. Regarde, moi j'ai toujours ma bougie, même au bureau. Non, là c'est parce que ça pue un peu dans le public, je lui dis. Prends moi pas pour un con parce que. Non, mais attends, c'est ma bougie du bureau. Je l'ai sur mon bureau non, mais tous voilà, les jours. J'ai besoin de. C'est mes nouveaux trucs, ça. Avant, j'étais pas comme ça, mais les bougies, les machins, les trucs, voilà, ça commence à être. Ah, c'est beau les bougies, ça te met en confiance. Ça devrait avoir appelé un psy, je suis sûr qu'il y a une explication. Vous voulez que je vous dise un truc? Je fais 8000 trucs dans ma vie et les petits moments de paix chez moi, je commence à les savourer plus qu'avant. C'est-à-dire, je kiffe me mettre chez moi, tac, rien faire. Petite détente, je m'assieds jamais dans mon canapé parce que quand je. Vous savez quoi, la semaine? Je ne me fous jamais dans mon canapé chez moi. Oui, parce que sinon, ça fait des plis. Non, mais c'est pas ça. C'est que vous. Vous rentrez chez vous, tout le monde rentre chez soi, il se met la télé. Moi, je rentre après la radio. Il est quoi, 22h30 ouais. La journée, je bosse et donc je ne me fous jamais le cul dans mon canapé. Généralement, je vais me pioter directement, je mets la télé dans mon lit et je vais jamais dans mon canapé la semaine. Canapé. Tu t'installes pas dans ton salon. La dernière fois, on est venu dans mon salon ouais. pour faire le direct et ben je me suis dit tiens, ça faisait quelques jours que je n'étais pas venu. C'est vrai. Oui. Des fois, il y a des. Ouais, oui, c'est. Ah, c'est dingue ça. Oui, mais je kiffe les trucs mieux qu'avant. Il s'est dit j'aime bien la déco du salon. Ah, c'est chez moi. Je me suis mis à faire la cuisine. Non. Ah, joli. Fais la cuisine. Ah bah alors ça, je veux voir ça. Des petits poissons grillés, des machins et tout. À la mer, c'est moi qui fais la bouffe. Je vois ça. C'est vrai, au Touquet, quand on était venu chez toi, tu avais préparé le barbecue. J'adore faire la bouffe maintenant pour les gens, acheter des trucs, acheter des machins. Voilà, ouais, c'est vrai. Ça devient mon kiff. Un nouvel homme. Ouais, mais encore des trucs qui me saoulent, l'aspirateur, la vaisselle, tout ça. Mais, ça, c'est pas mais prêt. Je kiffe faire la machine à laver. Mais non. Eh, c'est pas ouf ça. Comment ça, tu kiffes? C'est bizarre ça. Bah, j'ai dit que tu l'accroches après. J'ai découvert, la première fois, je vais être honnête avec vous. Vas-y. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai ouvert le bac à lessive. Et pour ceux qui ont déjà fait des lessives dans leur vie, ils le savent, il y a 3 trous. Et j'étais là avec mon truc de lessive, j'ai dit dans quel trou je le mets. Comment alors, ça marche? Au début, qu'est-ce que j'ai fait? Dans les 3. Ah ouais, je me suis dit bah ça va partir, à un moment donné c'est de la lessive. Oui. Après j'ai compris les codes. Et donc mon grand kiff c'est que quand c'est fini, j'ouvre, à côté il y a le lave-linge et je fais une espèce de gros boudin. Vous savez qu'il passe du lave-linge au sèche-linge. Et là, j'essaie de me dire, faut pas casser le boudin. Donc, j'essaie de faire en sorte que quand je tire les fringues, ils se tirent mais toutes. Non, il y a une chaussette qui tombe au sol, je dis, ça y est, mauvaise journée. Ah, oui, tu devrais tellement te filmer en train de faire ça, ça me ferait tellement rire. Non, parce que je peux pas me filmer et tirer le boudin comme ça. Ah, bon, tu sais. J'ai l'impression que c'est la machine. J'ai l'impression que c'est le sèche-linge qui fait. Qui aspire le. La spaghetti. Bah, c'est comme la crotte de nez qui sort du nez que tu aspires par la bouche. Voilà. Ça, j'ai jamais fait. Qui se laisse seul, je disais. Voilà, ma Céline. Non, on a des défauts. Mais tu le sais, je vous ai dit mon dernier toc. Le. Je l'ai dit, quoi. Le fond de teint sur les draps. Ah oui, tu l'as dit, sur l'oreiller. Mon dernier toc. Qu'est-ce que j'aimerais juste me glisser dans ces draps les pour filles, faire ça. Démaquillez-vous quand vous passerez au lit avec votre chérie. Pensez-y. Il y en a dans le public qui l'ont peut-être encore jamais fait. Mais quand vous le ferez, pensez-y, enlevez le maquillage. Ah, mais toi, non, mais c'est non. Parce que tu tombes sur des nanas qu'on s'amaquille. Après, ça fait peur direct. Laisse ça pour le lendemain parce matin. Que le moindre maquillage, la tête dans l'oreiller, la fameuse expression, tu poses la tête dans l'oreiller, moi je ne vois que ça, je regarde là. Elle va faire une trace sur mon oreiller. Tu tombes sur des nanas qui se maquillent, mais énormément. Mais prends des draps foncés, il suffit de se maquiller un petit peu. Souvent la tête dans l'oreiller et il n'y a jamais de maquillage dedans. Oui, mais tu ne te maquilles pas. Très peu. Mais quand tu te maquilles, tu ne te mets pas des couches comme ça tout le temps. Mais c'est pas des couches, c'est un petit peu, c'est les yeux du noir. Sur les même. Yeux, sur des draps blancs, parce que mes draps sont blancs. Ça se voit. Ça se voit. Mais toi, t'es un psychopathe. Hein. Non. Faut qu'on reparle de ton gazon au Touquet aussi. Hein. Quoi au millimètre. On n'a pas le droit de marcher dessus. Ouais. Le mec, il a un jardin de ouf. Pelouse interdite. Tu t'as pas le droit de mettre un pied sur le gazon. Ouais. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais pas fort. Ouais, hein. Des chaussons pour la blouse. Ouais, j'ai mis des patins pour les. Patins à blouse. Ah, bon, voilà. Merci Céline. Merci. Voilà. Maintenant, merci, tout le monde sait que c'est un psychopathe. Tout le monde va bien se foutre de ma gueule maintenant. Merci beaucoup. Ouais, oui. J'ai mis un panneau pelouse interdite. Non. Et j'ai eu du mal à aller le mettre. Bah oui. Il fallait marcher dessus. Ouais. Oui. Ça m'a gêné. Allez, à tout de suite, dormir, bougez pas. Vos stars Énergie préférées sont toujours sur la scène du Énergie Music Tour. We'll be right back.

que tout va bien. Qui c'est qui veut sortir avec Alex Ayono? Levez la main. Levez la main, celle qui veut le sortir. Oh là là, mais arrêtez. Mais enfin, quel âge tu as, toi? Amène le micro. Sortir, à droite. C'est mignon. Mais sortir, ça veut dire bisous, roulage de pelle et compagnie. Excusez-moi, quel âge tu as? 14. Et alors? T'es trop jeune. Tu te vois en train de rouler une pelle à ce jeune homme? Non. Bah voilà. T'as levé la main. Alors qu'à côté, elle se voit très bien le faire. Hein? Imaginez. Bah alors pourquoi vous avez toutes levé la main? Imaginez, alors il arrive. Imaginez, hein, les filles. Il arrive et il dit bon, it's my soirée in Paris. I want to choose a girlfriend. Et il te dit, par exemple, il te dit, toi, you are my girlfriend. For one night. Non, je dis non. Ah ouais? Je dis non. Eh, c'est frustrant, n'empêche. Mais j'ai... C'est la classe, elle a moi, raison. Une star, Selena Gomez, elle me dit, I want to you for one elle night. Elle n'a pas fini sa phrase. Et bah, là, de toute façon, elle arriverait, elle dit, I want you, je dis, ok, d'accord. même si elle dit, je veux t'aller chercher de l'eau, je dis, ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. On fait un devine qui c'est? Ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on écoutera après? Frérot de la Vega. Ah, c'est bien. Et après? Et après? Ah, c'est... Allez, hein? Comment? Jonas Blue. Jonas Blue. Blue, très bien. Allez, on appelle de la Janine. Bam. Le devine qui c'est, vous pouvez jouer à ça de vendredi et ce week-end. Oui. Vous appelez quelqu'un, vous lui dites devine qui c'est, en théorie, il doit savoir qui vous êtes. Ou vous prendre pour quelqu'un de la famille. Et généralement, plus les personnes sont âgées, plus elles vous prennent pour quelqu'un de la famille. Allô? Est-ce que vous avez un téléphone comme ça? Devine qui c'est? Hein? Je disais devine qui c'est? Ma soeur. C'est, hein? Madeleine. Oui, c'est Madeleine. Patricia. C'est Madeleine. Madeleine. Oui. Ça va? Et toi? Ouais. Ça va? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, je suis chez moi, là. Je suis en vue de déménagement. Hein. Bah oui, hein, j'appelle à la maison. Je sais bien que t'es chez toi. À l'Alma. Hein? À l'Alma. À l'Alma. Bah oui, bah, j'ai pas compris. Et toi, t'es où, là? Bah, à la maison aussi. On a une maison? Ouais, une maison, ouais. Bien? Bah oui. Elle est ménagée? Ah, mais elle est ménagée? Ouais. Ah, déjà? Ouais. Elle a décidé de pas d'articuler pas les mots. Elle doit. Ouais, ça va. La santé? Ouais. T'es en forme? Ouais. Tu as fait la granite et t'as eu au téléphone? Oh là là. Bah, parce que. Ouais, non. Ah bon? Et ouais. Non, parce que. En fait, je devais aller en déménagement. Ah. Et ouais. Attends. Ouais. Déménagement? Ouais, parce qu'on était en. Oui, c'est où maintenant? Bah, je suis en déménagement de maison. Ah, il est mort maintenant? Bah, c'est-à-dire qu'en fait. Attends, je vais faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait en déménagement. Il mange pas ouais. Longtemps ou quoi? Voilà. Donc. Ah, bah, l'adresse, ma soeur? Bah, l'adresse de ma soeur à Dornoué. Ça? Ouais. À côté de la maison de Mouet, là-bas. C'est loin? Bah, c'est pas de moi, parce que donne une voiture, ça va? C'est loin de chez moi. Bah, là, c'est pas de moi, parce que Dornoué parle directement de maison, là. Le pont. Pourquoi? Encore un coup de 5 minutes, 4 minutes à fond. Hein. Le pont. Mais ouais, bah tu prends le pont. Elle prend le pont de Roubaix. Prends le pont, prends le bus. Mais non, tu prends pas le bus, tu prends le pont parce que tu prends le pont de Roubaix, tu comprends. À pied tout. Non, à cheval. Voilà. Bah, je peux le voir parce que quand tu prends le bus, tu prends le pont de Roubaix, tu prends le pont, tu vas être vélo. Mais c'est quoi? Qui t'a dit ça? Un déménagement. Hein? Elle prend le déménagement. Mais ça, qu'elle t'a dit ça? Bah, elle, chaud. Il y a des cas, peut-être cas. Des cas, ben. Des cas, on était tout le temps, hein. Les gueules pont. Ben, lui, non. Mais non. Mais on l'a pu. On l'a mis, non. Ben, bien sûr. Elle t'a opéré? Bah, elle est opérée, oui, de la tête. Ah. Ben, oui. Opérée de quoi? Elle a pécole. Ah, tu l'avais prévenue. Ouais, elle avait un pécole à le rouber, hein. Ben, dis donc. Ça, elle pécole, hein. Ben, oui. Bon, c'est tombé? Va y aller? Hein? Je vais là. Voilà, bisous. Salut bon. Ta voix. Bah ouais. Madeleine. Non. Patricia. Ouais. Alors, ça va mieux? Et toi, ça va? Ah bah. Tu fais le bel déménagement? T'as dit que qui t'a dit que tu es sur la Talamba? Bah, ça veut dire que d'accord, qui va quitter le pont? T'as fait d'appel à qui là, t'as dit ça? Non. Mais t'as pas dit ça, parce que t'as des codes pont, t'as des. Ah, elle est dans l'adresse, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ça rigole bien. Mais c'est quoi, il est bourré? Même c'est toi, pas marrant, ouais. Pas. Même toi, tu comprends. Non, pas. Je comprends que dalle. On est où là? On est où? Tu connais ta voix? Tu connais ma voix, c'est Patricia? Ouais, Patricia. Ta voix. Ah bah ouais, t'as le port à l'oublier, que tu vas te faire des déplacements, que t'as des Ah bon? Oui. Ha ha ha! comprends, c'est génial. Arrête les bêtises. Ouais, bah ça va. Bisous. Arrête de dire des bêtises. Ouais, bien sûr, hein. Gros bisous. C'est qui? Patricia. Ah, parce que ouais, d'accord, un bisou. Ouais. Bientôt, bientôt. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais non, mais là, c'est ouf, quoi. Suivez-nous, réagissez sur Twitter, c'est vous qui faites hashtag Coé saison 7. Encore une fois, vous nous le mettez en tête si vous êtes trop fort. Voici Frérot de la Vega. Au-delà des orages, je pars en voyage. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. De toute façon, elles sont venues que pour lui, elles s'en foutent de nous. Elles sont fans à mort. Voilà, c'est tout, elles le trouvent beau. Il est trop beau. Dans la série Petite Annonce de Merde, nous avons trouvé la petite annonce pourrie que des fois tu vois passer ce genre de truc. Ça marche plus, hein. Les gens, ils avouent plus que c'est pourri, hein. Ah bah là, franchement, si t'avoues pas que c'est pourri. Ah bah excusez-moi, vous savez ce qu'ils vendent? Vas-y. Un urinoir. Oh non, t'es sérieux? Un bassin pour les hôpitaux, mais ancien. Vous savez, quand vous êtes malade à l'hôpital, c'est vous. Ah, le haricot, là. Vous dites, je vais aller faire pipi. On dit, oh, ne bougez pas, monsieur, faites c'est caca là-dedans. Dégoûtant. Ah non. Et bah, les gens le vendent. Des cendriers, moi. 10 euros. 10 euros. Deux urinoirs, bassin, pistolet, ancien en céramique, 30 cm, 10 euros la pièce. Ah, le pistolet, c'était ça, le nom cherché. Et puis, servant de bassin au lit pour malade alité. Oh là, ah mais c'est même pas genre en brocante antiquité, c'est non. Pour vraiment pour ça serve. Non, c'est brocante antiquité. Mais ça a déjà servi en fait. Il y a surtout écrit pour collection, décoration. Mais voilà. Tu mets ça au mur en déco, c'est sympa. En déco, attends. Petit urinoir au mur, c'est quand même beau. C'est écœurant. Papy, il a fait tous ses derniers caca là-dedans. Appelons-le, si jamais on arrive à lui faire dire que c'est de la merde, eh ben on dira si c'est de la merde, on vous l'achète pas. Ils savent que je vais appeler ? Oui. Bonjour monsieur. Ma femme a appelé. D'accord. Merci madame Stouff. Allô ? Oui, allô ? Oui. Ah, oui. J'arrivais pas à vous joindre, j'étais inquiet. Bonjour madame, j'appelle pour l'urinoir en faïence. Oui ? Oui, voilà, c'est vous qui le vendez ? Oui. Ah, d'accord. Bon, voyez, enchanté madame, enchanté. Pareillement. Voilà. Vous l'avez toujours ? Oui. D'accord, vous avez l'air surpris que je vous appelle. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis pas chez moi, là. Je rends une visite, là, c'est pour ça. D'accord, d'accord. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, non. Voilà. Donc, est-ce qu'il est en bon état? Parce qu'on n'a pas demandé ça dans la... Oui, il me semble que oui. Il faut que je le ressorte parce que je l'ai mis dans un carton. Oui. Mais pour moi, il est en très bon état. Hein. Et d'accord. Il n'est pas fêlé, rien du tout. Je note un bon état. Il est de quelle année? Je sais pas du tout. À peu près, à peu près. À peu près. C'est le cas de le dire. C'est vieux, ça. C'est vieux, ça. Hein. Oui. Oui, c'est 1960. En plus vieux. 1950. Moi, je dis c'est vieux, ça, oui. Ça, c'est une précision, ça. Ah ouais, 1950. Oui, oui. Ouais, je le note. Ah oui. Ah oui, je le note. Ah oui. D'accord, très bien. Il a servi? Je sais pas du tout. Bon. Je ne sais pas. Ça se... C'est d'un héritage. Ah, d'accord. Non, parce que des fois, c'est facile de voir si ça a servi. Bon, bah, pour moi, il est bien propre. Hein. Je ne vois pas. Ouais. Je peux pas vous dire s'il a servi ou pas. Voilà. Bon, non, bah, je veux dire peu servi. Voilà, je note peu servi. Parce que moi, c'est pour un cadeau, vous voyez. D'accord. Voilà, bientôt, c'est l'anniversaire de ma mère qui est collectionneuse. Ah, d'accord. Voilà. Mais j'en ai un autre. J'en ai un autre. Ah, vous en avez deux? J'en ai un autre qui est un tôle émaillé. Un quoi? Un tôle émaillé. J'en ai un autre qui est un tôle émaillé. D'accord. Mais il est en moins bon état, celui-ci. Oh, bah non, je vais prendre un, parce que sinon, s'ils ont trop fait dedans, vous voyez, je... c'est un cadeau, non, quand mais même. Non, mais c'est pas ça, parce qu'ils sont propres. Hein. Ouais, ils sont propres, enfin, bon. Ils ont dû être passés à la Javel, ils sont propres. Ouais, mais bon, il a des coups, quoi, l'autre. Oui, que celui-ci, c'est en faïence, ouais, il est en bon état. D'accord. Bon bah écoutez, je parce que le problème c'est que ma mère elle fait collection des coquetiers parce qu'elle est collectionneuse, mais elle c'est des coquetiers. D'accord. C'est pas le même usage. Non. Alors je suis en train de me dire peut-être que je fais une erreur. Elle fait des coquetiers, collection de coquetiers, peut-être que si moi je lui offre un urinoir, a peut-être trouvé que c'est de la merde. Hein. Non, pour un cadeau d'anniversaire. On vous ferait ça comme cadeau d'anniversaire, vous diriez quoi? Ah ben moi on me ferait ça en cadeau d'anniversaire. C'est un peu de la merde. C'est une boutade. Boutade. C'est une blague. J'ai pas employé ce mot depuis 1950 non plus. Une boutade. Oui, donc c'est un peu de la même chose, vous penseriez ça que c'est de la... rigolo. Moi je pense que ça peut être rigolo. Rigolo, mais comme cadeau d'anniversaire, c'est un peu de la merde. Ah ben il faut lui faire autre chose à côté, lui acheter un bouquet de fleurs, hein. Oui. Donc c'est de la merde. Tu peux le dire. Un petit peu. T'es pas loin. C'est pas que c'est de la merde, non, je dirais pas ça, moi je dirais ça. En cadeau d'anniversaire? Ah si. Ah bah ça dépend de la personne à qui vous l'offrez. Mais elle aime les coquetiers. Elle aime les coquetiers. Ah bah c'est pas un coquetier. Hein. Ah bah non, ou alors il faut des gros œufs. Puis elle a pas d'humour. Exactement. Ah oui, exactement. Alors si c'est pas un coquetier et qu'elle a pas d'humour, ah oui, c'est un peu de la merde alors. Ah bah, oui. Faut qu'elle ait de l'humour là. Elle en a pas. Ah bon, bah si elle n'a pas d'humour, c'est ça ne va pas rire. Donc c'est de la merde alors. Eh oui. Hein. Oui. Hein. Allez. Hein? Oui. Eh ben alors, si c'est de la merde, on vous l'achète pas! Au revoir, madame, à bientôt, ça a été très dur. Ça a été dur! T'as vu, c'est pas le genre, hein? Ah non, c'est pas une boutade. Quand tu dis le mot boutade, crois-moi que tu dis pas beaucoup le mot merde dans une journée quand tu dis boutade, hein? Tu dis flûte! Ah, ça perd les popettes! Ah, scrogneux, quelque chose ne va pas, voici Jonas Blue. Looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Salut mon gars, bienvenue. Je rappelle, vous qui êtes chez vous à la maison, vous allez pouvoir gagner des cadeaux de ouf jusqu'à 16 000 euros dans une box. 16 000 euros de cadeaux. C'est vous qui cochez, c'est vous qui choisissez. Et allez voir la vidéo qu'on fait tourner sur notre Facebook avec Mika, qui remet un bout des cadeaux, hein, parce qu'il ne peut pas tout transporter. Tout ça grâce à la Société Générale. Et on vous l'amène chez vous grâce à la Société Générale et boxallinclusive.com. Vous voulez gagner ce que vous voulez dans votre box. Boxallinclusive.com. Vous remplissez le questionnaire et vous cochez ce que vous voulez. Et peut-être que c'est vous que je tirerai au sort dans quelques jours. Abraham, t'habites où? Israël. Ah, hein, c'est au bout de la ligne de métro. T'as la ligne de métro. Il a dit quoi? Là, en ce moment, t'es en Israël. Ah. Ouais. Là, allez, laisse-moi deviner. Ça va m'énerver. Moi, je vois un petit 29 degrés. Je suis dans le sud, donc on cuit. Ça a dépassé 30. Oh là là. Ah ouais. Pas mal quand même. Ouais. Tu te mets bien là. C'est un bon kiff. T'es loin de la mer là? Ouais, quand même. Ah. Y a deux bonnes heures de train, mais. Ah oui, quand même. Oui, t'es loin, ah si, oui. Mon pote. Quand on a deux bonnes heures de train, c'est loin. J'ai pas le mail, excusez-moi. Il est là. Je prends le mail. Bon, Abraham. Sur la gauche. Je suis content. Ouais. Abraham, tu nous as envoyé un mail. Tu nous dis, je suis. Ouais. Alors, je suis là. Depuis plusieurs années. Il est écrit comme ça? Je suis d'Israël et depuis plusieurs années, suite à un tas de trucs. D'accord. Je suis totalement inactif. Je ne sors pas. Je ne discute qu'avec ma mère, avec qui je m'engueule. Le peu de contact que j'ai avec les gens est si rare. Pas souvent qu'on trouve des gens sous son lit. Qu'il est jouissif, mais comme j'ai aucune motivation pour sortir, ça m'arrive qu'une fois toutes les deux semaines environ. Ah, tu sors de chez toi une fois toutes les deux semaines? Non, je parle avec des gens une fois toutes les deux semaines, mais quand le voisin y passe ou quand moi je passe chez le voisin. Un bonjour, quoi. Ça veut dire que je sors encore moins souvent, mais je parle. Et c'est pas tout. Il nous dit c'est pas tout. J'ai aucune motivation pour faire un boulot pour gagner de l'argent. Sachant que j'ai même pas de motivation pour sortir de chez moi déjà. On en parle dans un instant, mon gars, d'accord, hein. Ne bouge pas. Eh, hey, ça devient. Hein, oh, parler avec personne et on pas de travail. Non, je veux pas sortir de chez moi. Il se renferme sur lui-même. Restez avec nous, on en parle dans deux minutes. Ouais. Tous les matins avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est comme ça. Nous avons le nouveau Beatles. Ah bon ? C'est une chanson qui a entièrement été créée par une intelligence artificielle. Ça s'appelle Daddy's Car. C'est dingue. Ça sonne Beatles. Ah, ouais. C'est impressionnant, mais c'est une tendance à vouloir faire ressusciter des artistes m'angoisse. C'est comme les émissions musicales où t'as Liane Folie qui chante avec l'hologramme de Brel. Ça me met un peu mal à l'aise. Bah, mal à l'aise pour l'hologramme de Brel surtout. Rendez-vous demain, 6h-9h30 sur Énergie. Monoprix, tu sais que t'es une vraie blogueuse beauté. Quand tu te remaquilles, dès que quelqu'un sort son portable dans la rue, Et tu sais que t'es encore plus une blogueuse beauté quand tu sors faire ton shopping make-up chez Monoprix et que tu tweets que tu fais ton shopping make-up chez Monoprix.

La plus grande tournée musicale gratuite redémarre. Il sera à Marseille le 29 septembre. Sur scène. C'est Frérot de la Vega. Alonso. Cyril Simple. Amir. Sao. Willy William. C'est Boosty. Carlos Dream. Evangeline. Et Black Air. Le Energy Music Tour le 29 septembre. Pour la Foire Internationale de Marseille. Au Parc Chalot. Un événement Energy. It Music Only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mariono, aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle, jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Mariono avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offre et conditions sur mariono.com. Mariono, la beauté qui me ressemble. Vous allez kiffer le jeune homme qui est là. Il y a plein de filles qui sont venues pour lui. C'est une tuerie, hein. Alex Ayano, si vous ne connaissez pas, c'est lui. Le mec cartonne sur YouTube et fait des covers. Il commence à trouver bien. C'est pas ses chansons, mais. Non, c'est vrai, mais il va finir par sortir ses chansons. Elle kiffe bien. Je voudrais quand même vous dire un truc qui est sorti dans le journal. Vous allez comprendre pourquoi je ne cours pas. On apprend que quand le corps est très sollicité sur un plan musculaire, écoutez bien. Vas-y. Une redistribution du sang abdominal s'effectue vers les muscles. Votre estomac est moins irrigué. Mm-hmm. Il panique. Surviennent des douleurs à l'estomac, des nausées, des vomissements, voire des diarrhées. Oh. En gros, on t'explique que plus tu cours, plus tu fais le marathon, plus que tu risques d'avoir une chiasse. C'est ce qui est arrivé à Johan Diniz, qui a été victime de diarrhée pendant les 50 km de marche. Ouais, le pauvre. Il s'est pas chié dessus. C'est pas cette image. Le mec, il s'est écroulé, il est remonté, il s'est fait dessus. C'était horrible. Il a fini, quoi. Il s'est chié dessus pendant des milliards de jours. Il y en a plusieurs où ça se voyait, il se chiait, ça coulait contre la jambe. Et le mec, il a fini, quoi. Et bon, il est dans un état, il est tombé, quoi. Bon appétit. Quelle horreur. L'avantage, c'est quand t'as la chiasse pendant que tu cours, c'est comme le petit poussé. Tu te retournes et tu peux rentrer chez toi. C'est un côté sympa, c'est comme le petit caillou. Reste avec nous, Abraham, il sort toujours pas de chez lui. T'es pas sorti de chez toi, Abraham? Non. Pas non. Sorti? Pas encore? Ah non, il sort une fois tous les 15 jours. Je suis capable de sortir pour prendre l'air, mais je re-rentre. Ah, défi après. Il sort. Ah, allez, c'est bon, on re-rentre, on en parle. Après, Alonso, mon pote. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a coulé de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Te donne la dalle, toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Coé aussi, mais bon, il y a surtout mes jingles. Coé, 19h-22h sur Énergie. Yes! On est tous là! On est sur Énergie, on fait un bisou à Abraham, 20 ans d'Israël. C'est nous qui payons la communication? Oui! C'est bien, ça va pas nous coûter. C'est ce que je me demandais. Ça va pas nous coûter cher cette histoire. Et Julie, elle est là, elle fait non, attends encore un peu, il y a la pub. Attends un peu! Julie, je te préviens, c'est Jean-Paul qui paye. On se partage, tu vois. Quand Jean-Paul va recevoir la facture, il va. Ça va avec notre forfait 3G, 2 heures illimitées, on est mal. Alors, on est mal. Bon, alors, bon, et pourquoi tu sors pas de chez toi maintenant? On va te secouer un peu les puces. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ben, c'est un peu comme tout le monde, quoi, l'envie de sortir. Il y a des gens qui ont envie de sortir pour voir des gens, il y en a d'autres pour voir des paysages. Ben, moi, j'ai ni l'un ni l'autre, quoi. Enfin, mais excuse-moi. T'habites où? Il n'y a rien à côté de toi? Il n'y a personne à côté de chez toi? Il n'y a que des chèvres? Si, mais les gens. Bon, déjà, comme je suis un Français et que, à la base, j'ai grandi en France. C'est un peu dur, quoi. Mais attends, t'as pas des copains? Excuse-moi, il y a plein de gens en ce moment, depuis ces derniers mois, qui sont plein de juifs en France, qui repartent à Tel Aviv en Israël. Mm-hmm. Et ils sont français, ils sont juifs. Ils sont, ah non, ils sont pas... Je dis pas que c'est normal. Hein. Enfin, je dis pas que c'est. Non, mais laisse-moi finir. Je dis juste que quand ils arrivent à Tel Aviv ou en Israël, il faut se refaire des amis. Mais bon, voilà, c'est comme quand tu changes d'endroit. Et quand tu changes de ville, hein, quand tu viens du nord et que tu arrives dans le sud, oui, c'est toujours faut te faire ta place. Mais il y en a plein qui arrivent. Hein. Mais du coup, tu fais pas d'études, rien? Tu travailles pas? Ben, en fait, là tout de suite, j'ai 20 ans. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans. Oh, et bah entre temps, j'ai rien foutu. Parce que moi, ça fait 13 ans que je rien. Mais moi, j'ai cru qu'il était arrivé, genre il y a 2 ans. Aussi, tu sais, genre. Pareil. Je suis français, je connais pas grand monde. Ah, tu y es depuis l'âge de 7 ans et t'as toujours pas d'amis. Mais attends, tu t'es pas fait des potes au collège, au lycée et tout ça? Je suis pas allé. Bah, si. Non, j'ai même battu des records. Sauf que bah, les parents, ils arrivent. Du coup, aussi, ils essaient de se trouver. Les histoires de divorce, les histoires d'argent, ça s'est écroulé. Donc. Non mais attends, j'ai l'impression que tu nous prends toute la misère du monde sur toi, là, et que tu trouves toujours une raison pour pas sortir. Les divorces, les histoires d'argent, ça fait 7 ans, je suis français, je suis machin. Bah, au final, ouais, je trouve pas de raison pour sortir. Alors excuse-moi, moi je connais des copains qui sont ni juifs ni israéliens et qui vont en vacances à Tel Aviv et qui sortent tous les soirs et qui se font des copains. Tous les soirs. Après, c'est Tel Aviv, parce que c'est la ville ou machin. Il n'y a pas que. Ah oui, lui, il n'est peut-être pas à Tel Aviv. Toi, à mon avis, tu es dans un coin plus reculé quand même. Ouais, un petit peu. Bah, on a vite fait le tour en vélo en 2 heures, quoi, et c'est tout en bas, sur la carte. Non, mais attends, t'es allé à l'école. Cette précision est incroyable. Oui. T'habites où? Tu t'es fait des potes à l'école. Mais en changeant d'école, bah, on se fait d'autres potes et les anciens, on les oublie. Les nouveaux, ils sont devenus quoi? Ils sortent plus. Bah, les nouveaux, ils ont encore changé parce que j'ai changé 10 fois d'école au final. Donc, Mais les derniers de la dernière école. Ils sont où? Bah, les derniers de la dernière école, ils datent de 2 ans et quelques. Et entre-temps, bon, j'ai dû quitter aussi parce qu'il y avait l'armée. Parce qu'en Israël, c'est. Ah oui, t'as fait l'armée du coup? D'accord. Bah à l'armée. Ouais. T'as bien fait des copains à l'armée quand même. Alors à l'armée, je me suis fait des potes, mais entre temps j'ai arrêté l'armée, ce qui fait que bon. Mais tu gardes pas contact avec tes potes? Tu gardes pas contact? Tu gardes pas contact avec tes potes? Si, mais entre temps, bon, il y a la coupure de courant. Du coup, non, j'en parle plus. Non, mais j'ai l'impression que tu me trouves 15 000 raisons pour pas avoir de potes. On dirait que t'as pas envie de te faire des amis, pour le coup. Attends, je vais essayer autre chose. Internet, Facebook. Ah oui. Relations. Tu gardes le contact. Relations. Bah, ouais. Je passe ma vie dessus. Bon. Et bah, y a un moment donné, moi je connais des gens, ils sont très moches, ils sont dans des bleds de merde, et ils arrivent à trouver des gens sur Tinder, Badou et compagnie. Non. Non, mais du coup, parce que comme je ne suis pas du tout fait au pays, je parle qu'avec des Français de France, à la limite des Français d'Israël, mais il faut les trouver, quoi. Ah, t'es chelou un peu toi quand même. Ouais. En fait, en gros, t'es arrivé dans un pays où mais il a pas demandé. Oui, mais enfin bon, tu y es depuis l'âge de 7 ans et tout ce qui est en rapport avec le pays, t'aimes pas. Voilà. Et pourquoi bah, alors, t'as 20 ans? J'ai la solution, c'est-à-dire qu'à 20 ans, bah pars. Ouais, voilà, bah, y a un moment donné, tu vas pas en France. Bah, c'est ce que j'essaie de faire, mais maintenant je peux pas sortir. Bah, je me suis enfoncé au fin fond, du coup, je fais comment pour sortir? Tu prends le train. Prends la clé. J'ai l'impression que le mec, j'ai l'impression que c'est Passepartout qui est coincé dans une cellule de Fort Boyard. Et il te reste pas de la famille en France? Non. Il y a mon grand-père paternel, mais la dernière fois que je lui ai parlé, j'avais. Alors, si tu veux, alors, on va faire plus simple. Si tu veux chercher du boulot, pourquoi tu ne trouves pas du boulot dans une grande ville? Bah, parce que pour chercher du boulot dans une grande ville, il faut y habiter dans cette grande ville. Et pour y habiter, sur Internet. Ouais, mais enfin, mec, j'ai l'impression que t'as toujours 50 ouais, raisons. Tu mets pas de la volonté. J'ai hein. l'impression qu'à chaque fois, c'est. Allô ? Oui, je t'écoute, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on te dit un truc, c'est ouais, mais en fait non, ouais, mais en fait voilà, ouais, mais en fait il y a la barrière. Si je vous ai appelé, c'est justement parce que je me suis un peu perdu dans tout ça, quoi. Bah, je vais te dire un truc, j'ai l'impression que tu te perds dans une flaque d'eau, mon pote, et que tu serais une noyée de non, bah, dedans, la limite, que... si tu te plais pas là-bas, essaye de force-toi à trouver un boulot à la con pour mettre un peu de thunes de côté, et dès que t'as un peu de thunes, tu rentres en France. Ah, j'y arrive pas. Non mais t'as bien une passion, quelque chose, t'as pas, tu sais pas ce que t'as envie de faire. Oui, ouais, entre toi là, l'informatique, tout ça. Bon bah voilà. L'informatique, et bah voilà. Quand on est tout seul. Ce qu'on fait quand on est tout seul, parce que je suis tout seul. Mais tu sais quoi, t'es trop défaitiste en oh fait. Oh là là, mec, on dirait que t'as 70 ans et que tu vas rentrer en maison de retraite. Ah, il faut que tu prennes confiance en toi. Et bah, que... je sais pas, trouvez-moi un poste quelque part en France et j'arrive. Mais ça se fait pas comme ça. Trouve-toi un poste dans ton coin aussi, bouge-toi le cul, on va pas t'amener un truc tout fait enfin. T'as vu jouer ça où que les gens ils ont un boulot, on leur donne comme ça et puis vas-y hein, viens, on te paye le billet d'avion. Bouge-toi le cul, fais comme tous les gens. Ouais. Fais comme tous les gens, toi t'es en Israël, mais pense aux mecs qui habitent dans le Gers où les parents venaient du nord de la France, ils se sont pas fait au petit village parce qu'il y en a peut-être qui sont comme ça, ou du nord au sud, ou etc. etc. Ben, ils sont comme toi, on va pas leur donner un boulot tout fait, ils se bougent le cul, ils s'en vont. Non, c'est sûr, mais bon, déjà j'ai essayé des petits boulots, des trucs comme ça, des boulots d'été, mais ça dure jamais longtemps quoi. C'est normal, ça dure l'été. On prend des boulots d'année en fait, ça dure l'année. Voilà, faudra un boulot d'année, ou un boulot défini, mais voilà quoi, c'est des petits boulots qui durent jamais longtemps et... Mais trouve un boulot qui dure, enfin. Ou enchaîne les petits boulots. Mais il sait même pas ce qu'il veut faire, c'est ça qui est dingue. Pietre, il a raison, d'abord, boulot. Ouais. Alors ça peut être serveur, ça peut être n'importe quoi. Même tu si prends... t'en chies un petit peu, tu prends sur toi. Tu et prends un peu de blé, quand t'as pris un peu de blé, bah t'essaies d'aller dans une grande ville. Quand t'as eu dans la grande ville, t'essaies de faire les et choses. Et tu verras que même si ton boulot au début ça te fait chier, l'air de rien, tu vas côtoyer des gens. Et ça se trouve qu'au bout d'un moment, tu vas kiffer, tu voudras plus partir. Mais en attendant, le premier truc, c'est de te mettre un coup de pied au cul, quoi. Ouais. Sinon, t'arriveras à rien. Et on n'a pas la solution, nous. Hein. Ah, si, j'avais. Ah, putain, si. On a le poste de Apple France qui se libère de PDG. J'y avais pas pensé. Ouais, tu peux le faire chez toi. Et tu peux le faire chez toi. Ouais. Et c'est 4 millions de dollars l'année, t'as pas besoin de diplôme. Non, Abraham. Bouge-toi, parce que la solution, elle va pas arriver toute seule. Et encore moins en te lamentant. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Je t'ai bien. Tiens, bisous, mon copain. Heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por Le Issan Kouloupa de cette semaine, vous connaissez le principe, vous prenez un nom de société qui a un nom visiblement cool, ouais. Et on vérifie s'ils sont vraiment cool en étant complètement très cons. Et ça, j'adore ça. Ça, c'est mon moment préféré. Nous avons trouvé Aquabicool. Et c'est quoi Aquabicool? C'est quoi, c'est des cours de natation pour les bébés et tout. Forcé, les bébés nageurs. De quoi? Ouais, t'as fait un. Tu sais pourquoi? Parce que je pensais à la chanson, là, Baby Cool, Daddy Cool. Là. T'as entendu le rire qu'elle nous a fait de j'écoute pas, je participe. Non, j'écoutais en plus. Oh, la sorcière dans un mais Disney. Mais j'ai pensé à Daddy Cool et ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ouais. Daddy Cool. Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est Aquabicool. Chanson Dieu, ouais. Bref, c'est des cours de bébés nageurs. Je vous emmerde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des enfants. T'emmerdes. Appelle-moi Aquabicool. Non, je t'emmerde. Bon, attention, je vous préviens, je vais être très con. On va voir s'ils sont cool ou pas. Chut. Aquabicool, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, je vous appelle là parce que je vais inscrire mon fils là au bébé nageur. Alors. Ouais. Pour une. Vous voulez inscrire? Ouais, alors bon, moi je vous le dis, je trouve que c'est une belle connerie, c'est ma femme qui insiste, j'ai un truc de bobo. Excusez-moi, je vous entends mal. Je dis, c'est un truc de bobo à la con que ma femme a lu dans Vital, la Biba, je sais pas quoi, là. C'est, moi je trouve que c'est une connerie à l'état pur, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Voilà, voilà. Alors, le mieux pour une inscription, mieux vaut passer, tout simplement. Ah ouais, donc vous travaillez pas, vous décrochez le téléphone, mais genre je travaille pas. Parce que j'ai regardé là sur le site, là, c'est quoi les noms là? Il y a des pseudos là, des animateurs? C'est quoi les pseudos là? C'est quand. Les pseudos, c'est quand vous êtes adhérent. Ah ouais. Ouais, vous avez des diplômes ou pas? Parce que moi j'ai pas. Je suis stagiaire. Ah bah attends, je vais pas confier mon fils à un stagiaire. Attends, déjà ça va. Hein. Ah, c'est des stagiaires qui s'occupent des enfants? Excusez-moi, vous avez dit quoi? Non, est-ce que demandez qu'elle leur ferme leur gueule à côté, parce que c'est insupportable, ça piaille, là, les mères de famille, là, qu'elles parlent au parc, là, qu'elles nous emmerdent pas pendant qu'on discute entre bonhommes. Oh là là, j'ai l'impression d'être à la maison quand elles font des réunions sextape, là, je sais pas quoi, sextoy, là, c'est insupportable. Je vous disais. Oui. Comment je fais pour vous confier mon fils si vous êtes un stagiaire? Ben, je vous passe la secrétaire. Ah bah voilà. Quelqu'un qui sait parler. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la, une des responsables? Oui. Vous m'avez pas donné le haut du panier là, des stagiaires. Là. Dites-moi. Oh là là, bon. Je disais, je compte bien confier mon enfant, mais il y a des gens qui ont des diplômes ou pas? Alors, ben, nos deux coachs sont diplômés tous les deux. Nos deux quoi? Les deux coachs sont diplômés tous les deux. C'est quoi des coques? Des coachs. Là, les coachs. Vous avez des problèmes de prononciation dans cette boîte, je comprends rien du tout. La piscine. Par téléphone, c'est un peu délicat quand on parle. Des fois, on entend des lettres pas forcément. Mais donc, quand les personnes me disent leur nom de famille, c'est pour moi aussi, c'est pas évident. Ah oui, la piscine, elle est comment? C'est un bassin qui fait 14 mètres de long. Ouais, mais je veux dire la propreté, la taille, je m'en fous. De toute façon, il va pas faire un crawl, hein, vu l'âge qu'il a. Mais je veux dire, la personne a pissé dedans. Je veux dire, le pH, il est nickel. Ah, ben, les analyses sont vérifiées une fois par mois par une analyse de contrôle et nous on a nos analyses, les ménageurs font donc les analyses tous les jours. Moi je veux voir le document de contrôle avant que mon fils se baigne dedans. Il est apparent, donc il est devant dans le hall quand vous venez en attendant le cours, il y a les analyses qui sont faites. Ouais, donc voilà, donc après là actuellement les arrêts reçus aujourd'hui, je les ai affichés aujourd'hui. Et ils sont bons non conformité, mais c'est par rapport à la chloramine qui est un peu élevée, mais ça c'est rien de grave. Il y a non conformité? Oui, c'est par rapport à la chloramine. La chloramine, c'est les déchets du chlore, ce n'est rien de méchant, ce n'est rien de toxique. Mon gosse il va ressortir comme Shrek et ce sera grâce à la chloramine et c'est pas grave. Mais ce n'est pas du tout dangereux. Ouais, bien sûr, si c'est dangereux, notre centre de contrôle nous ferait fermer le bassin. Bah oui, ils sont quand même pas non plus inconscients à ce point-là. Ah oui, ce qu'il disait dans les années 60 sur les clopes, hein, il disait c'est pas dangereux, on peut en fumer. Bon. C'est quoi vos tarifs? Pour les cours de natation, alors est-ce qu'il sait nager? Non, bah non. Pas du tout. Un an et demi, on va faire le papier. Un an et demi? Ah oui. Non, un an et demi, on peut pas faire de cours de natation, ça sera un bébé nageur. Bébé nageur, bah oui, oui, bébé nageur. Ah ben, vous ne m'aviez pas précisé, donc je ne pouvais pas le savoir. Mais je l'ai dit à l'autre, là, qui comprend rien, le stagiaire. Ben oui, mais il m'a pas fait le... Il m'a pas fait au téléphone, il m'a pas fait le contrôle derrière, donc je ne pouvais pas savoir. Il est nul, je vous l'ai dit qu'il est nul. Donc, les bébés nageurs, nous, on propose soit par 10 séances. Ouais, combien? Donc, c'est 30 minutes, c'est 100 euros pour les 10 séances. Oh putain! Ah la vache! Vous le nourrissez à ce prix-là ou quoi? 100 euros les 10 séances? Oui. Tu m'as pris pour Donald Trump ou quoi? Quoi? Et 220 euros pour l'année. Non, ça va, non. Restons sérieux, là, c'est une escroquerie. Mais. C'est une escroquerie, pour faire barboter un môme pendant une demi-heure dans un bassin, j'ai une baignoire, c'est bon. Hein. Écoutez, non. C'est les prix, après, hein, vous verrez, vous irez dans n'importe quelle piscine, c'est les prix partout pareil. Hein. Et moi, je préviens, si je viens accompagner le môme, je viens pas avec un caleçon, un truc moule-bite, hein, je vous préviens. Hein. Je veux pas un après, truc vous, sur... après pour les bébés nageurs, il n'y a pas de réglementation. Après, par contre, si vous prenez le cours de sport, l'aquagym, là, vous êtes obligé d'avoir quelque chose. Ah non, pas de moule bite. Non, moi, je complexe beaucoup là-dessus. Pas de moule bite. Ça, c'est hors de question. Non, mais voilà, je vous dis, pour les cours de bébés nageurs, puisque vous n'allez pas sauter dans l'eau, vous n'allez pas faire de quelque chose de très sportif, hein, puisque c'est un moment de partage avec votre enfant. Ouais. Donc là, vous pouvez avoir un maillot de bain tout à fait normal. Là, il se démerde. Moi, je le pose dedans, il se démerde. Depuis qu'il est avec lui. Non. Moi, je suis à côté. Lui, depuis qu'il est petit, il se débrouille. Il fait ses blédinas, ses machins tout seul. Donc, moi, je le pose dans l'eau. Il se démerde. S'il a la tête sous l'eau, à lui d'être bon pour en sortir. Non. J'ai pas le temps à perdre avec ses conneries. Ça va. Alors, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. C'est pas forcément que vous voulez que ce soit vous. Non. À 100 euros, tu peux quand même t'en occuper un peu. C'est pas moi qui vais. Déjà, je paye et je le garde. Et tu fais quoi? Non, ça va. Écoutez, nous, nos cours sont comme ça. Après, monsieur, je suis désolée. On a des obligations. Un cours de nageur, c'est accompagné par les deux parents. Après, c'est comme ça. On ne peut pas apprendre à nager à un enfant d'un an et demi. Au niveau de la, on va dire, de la réglementation, au niveau de la moyenne des enfants, un enfant ne peut pas apprendre à nager à un an et demi. Mais qu'est-ce que vous pensez? On ne peut pas lui demander le. Vous avez vu le mien? Plus la lune, hein. Vous avez vu le mien? Vous avez vu le mien? Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en savez que c'est pas nager? Mais si votre enfant sait nager, monsieur, c'est tant mieux pour vous. Eh ben, on va faire l'expérience. Vous savez quoi? On fait l'expérience. On le met dans l'eau, on voit. Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit. Conneries, c'est bon, si jamais on voit qu'il a la tête en dessous, on le reprend. Voilà, c'est tout. Et on le remet dans l'eau, c'est comme ça. Monsieur, vous me dites des trucs par rapport aux conformités, tout ça, et vous voulez que je mette un enfant d'un an et demi dans l'eau comme ça, tout seul? Ouais. Je ne peux pas. Il n'est pas tout seul, je serai à côté. Mais non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Je suis en train de fumer une clope à côté, là. On peut fumer chez vous? Pardon? On peut fumer? Où ça? Chez vous, pendant qu'ils font la leçon, là. Vous allez dehors du bâtiment. Oh putain, 100 euros, je peux même pas fumer une clope. Oh là là. Ah, Thanas. Bah oui, cette loi, monsieur, elle est passée depuis un moment. Hein. On ne peut pas fumer dans les lieux publics, même à côté. Et puis, juste un truc. Je vais venir, je vais inscrire le petit, là. Mais je vous préviens, elles sont jolies, les mamans qui viennent? Parce que moi, j'en veux de la pétable. Hein, parce que c'est pour me mater le même gros cul que j'ai à la maison, c'est hors de question. Hein. Monsieur, c'est pas... Enfin, je vais raccrocher. Pourquoi? Mais je vais raccrocher. Vous êtes pas non plus très agréable au téléphone. Non, pardon. Madame. Non, mais je vais raccrocher. Madame. Je vais raccrocher. Raccrochez pas, vous n'avez pas mon nom. Désolée, j'étais plus aimable au plus haut point. Vous n'avez pas mon nom. Malheureusement, vous n'êtes pas du tout. Vous n'avez pas mon nom. Pardon. Vous n'avez pas mon nom. Raccrochez pas. Mais je ne veux pas votre nom. Je m'appelle Coé. Pardon. Je m'appelle Coé. On est sur Énergie et c'est pour rire. Hey, celle-là, elle est dans le top de la patience. Madame, vous avez été d'une patience. Ah ouais, franchement, bravo. D'une patience. Vous êtes là? C'est une blague. Oui, c'est une blague. Je suis désolé, je suis pas comme ça dans la vie. Je suis désolé. Et vous avez le numéro par qui? Oh bon, on a regardé dans l'annuaire, on se débrouille. Hein. Internet, on est des foufous, hein, vous savez. Hop là, on va pas que sur des sites porno. Hein. On vous embrasse. Comment ça s'appelle? Aqua Be Cool. Vous avez bravo. Été super. Ils habitent où à Brignoles? Allô? Bisous, au revoir tout le monde à Brignoles. Voici Claudio Capéo. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me faites pas la faute.

Oui, effectivement. J'ai venu lundi. Oui, j'ai pas une bol. Puis il a eu un grand courage, je sais pas si vous avez vu. Non. Parce que tout le monde parle de la jungle à Calais. Ouais. Mm-hmm. Et bien, François Hollande, et ben, il n'y est pas allé. Ah, ben voilà. C'est quand même, c'est courageux, hein. Ah, très courageux. Ben non, très courageux. Tu as quand même une situation où tu as 9000 personnes qui vivent dans un camp, dans des conditions qu'on a l'impression qu'on est dans les années 50 à l'autre bout du monde. Ouais. Et ça, ça se passe chez nous. C'est une situation de non-droit total. Le président, il vient, mais il n'a pas le courage. Mais je sais pas, j'ai pas vu. C'est quand même, ça montre bien. Il a fait quoi alors là-bas? Il est allé dans la ville, c'est moins dangereux. Ah, il s'est juste baladé. Bah, c'est moins dangereux. Ouais. Mais par contre, il y a des gens qui vont tous les jours à côté du camp avec des camions qui se font jeter des cailloux dessus, des arbres et tout sur la route, c'est vrai. Hein, ah ouais? Vous avez ouais. pas vu ça? Ah non, en ce moment, c'est n'importe C'est-à-dire quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils jettent des troncs d'arbres. Ouais. Et les camions sont obligés de s'arrêter. Et pendant que le camion s'arrête, les mecs montent dedans. Mais non. Ils ont foutu le feu à des camions. Il y a un mec qui est rentré au port, le camion en feu. Parce c'est que. Mais c'est hyper dangereux, il y aura des morts un jour. Mais il va pas. Il passe à côté, mais il est pas allé. Il a eu peur. Ouais, mais c'est dingue parce que c'est voilà, c'est à Calais, c'est là où habite Angelina, et c'est là où habitent plein de gens, et c'est devenu une situation hallucinante. Ah, c'est dingue. Et tout le monde repousse et on dit non, on s'en occupera, mais bah, on va attendre un peu, on va encore un peu. Enfin bon, ma petite Angelina, tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis assistante maternelle. D'accord. Tout se passe bien? Et pour l'instant, pour l'instant, je suis en congé parental, donc pour l'instant, tout se passe bien. C'est-à-dire que tu as eu le petit ou tu vas l'avoir? Elle l'a eu. Je l'ai eu, tu vois. Il va avoir 4 mois. D'accord, j'ai pas le super jeu, mes poulets. Tu l'as, mais non, je te le redonne. Mais je ne l'ai pas, je te dis, je ne l'ai pas. Regarde, viens regarder sur ma feuille. Oh, elle répond. Ah, elle est effrontée. Hein. Elle répond, elle est effrontée. Marie, c'est qui? C'est ma cousine. D'accord, toi, tu as 26 ans. Marie est toujours en retard, elle est barman serveuse. Voilà. Il paraît que tu as fait construire une maison il n'y a pas longtemps, elle a fait un peu pareil. Hein, copieuse. Ok. Ouais. Elle a un cookéo parce qu'elle ne sait pas trop cuisiner. Le cookéo, c'est pas le truc où tu télécharges les recettes de cuisine? Non, ça c'est le Thermomix. Ouais, voilà. Non, si, c'est ça. Ah, ouais, c'est pareil. Le cookéo, tu télécharges sur une clé USB les recettes. Ah, c'est et la même chose, ouais. Tu mets tous les trucs dedans et il t'indique la température. Ça, ouais, ça te le fait tout seul. Ouais. D'accord. Elle a un aspirateur qui aspire tout seul pour son ménage parce qu'elle n'aime pas bosser. Voilà. Ça l'énerve quand on parle mal de ses enfants. Exactement. Et à cause d'elle, tu t'es pris une amende en Belgique. Pourquoi? Ah ouais, bon, on était mal garé après tout. Parce qu'il y avait trop de monde et du coup on s'est mis sur un trottoir comme ça sur le côté. Et puis quand on est revenu d'avoir pris un verre, il y avait la police belge qui nous attendait de pied ferme pour se prendre une prime de 110 euros et à payer sur place en plus. Du coup, il nous a amené jusque la banque. Merde. On a dû lui donner les pesos tout de suite. Mais t'es sûr que c'était des flics? Ouais, c'est ton histoire. Ouais, non, j'ai eu un justificatif. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Bon, t'as vu la gueule du belge, mon idée, ça pouvait être qu'un flic. Bon, écoute, tu vas lui dire les 5 phrases. Les 5 phrases à dire, ça fait un moment que j'ai envie de te dire tes 4 vérités, tu me saoules. Tu fais tout comme moi, t'as pas de personnalité. À part montrer tes nichons à tout le monde, tu sais rien foutre parce qu'il paraît qu'elle a toujours des décolletés. D'accord. Ça c'est très bien ça. Très bonne et ça arrange Pietre. Ouais. Quatrième phrase, tu branles rien de ta vie, même tes gosses, tu sais pas les éduquer. Et la dernière, arrête de m'écrire la nuit aussi, je m'en fous de ta vie parce qu'il paraît qu'elle t'envoie des SMS toute la night. Elle va s'énerver là. Mais qu'est-ce qu'elle te dit toute la nuit? Bon, des fois elle a peur parce qu'elle regarde des films d'horreur, alors elle a peur de la Dame Blanche. Elle partage avec toi. Ah, donc elle a peur, mais elle a pas de mec? Si, elle a mec, mais il travaille de nuit souvent. Ah oui, d'accord. C'est emmerdant. Voici Feller sur Énergie. Et everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. We'll be right back. step to it. I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Qui est notre invité tout à l'heure. C'est lui qui fait la... fait la voix, la voix qui fait ouais. la musique. Ouais. Restez avec nous, voici le super jeu, c'est parti. T'as ta gueule, je t'emmerde et du coup, ouais. Viens le dire devant et fumer, fils de pute. Viens Madame. Le dire devant. Madame. Fils de pute. Madame. Coué, 19h, 22h, sur Énergie. Enfin, Madame. S'il vous plaît, calmez-vous. Ça va bien. Angelina, donne-moi les 5 phrases que tu vas dire à ta cousine Marie. Alors ça fait un moment que j'ai envie de te dire les 4 vérités, tu me saoules. Bien, tu fais tout comme moi, t'as pas de personnalité. Ouais, c'est bien, à part montrer tes nichons à tout le monde, tu fais rien foutre. Ouais, c'est super, tu branles rien de ta vie, même tes gosses, tu sais pas les éduquer. Et arrête de m'écrire la nuit aussi, je me fous de ta vie. Parle pas si vite, hein. Nature. Non. On y va, c'est parti. Et pas de sourire, hein, surtout ouais, pas. Pas de sourire. Hop, faut que tu lui dises maintenant, c'est bon. T'es énervé, t'es vénère. J'ai des trucs à te dire. T'en as marre. Cela suffit. On y va. C'est parti. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Ça va? Ouais. C'est toi mon lapin? Ouais, c'est moi mon lapin. Oh, ben j'ai même pas vu ton numéro. Ah ouais, bah c'est normal, parce que tout à l'heure j'ai appelé le voisin à côté, mais je voulais pas qu'elle ait mon numéro. Bon, je t'appelle parce que, je suis pas venue te voir aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et je devais... Ah oui, t'appeler pour... Tu viens boire un coup, tu mets congé. On verra ça plus tard. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de te dire tes cas de vérité, parce que tu commences à me saouler. Hein? Bah ouais. Ouais. Bah non, bah écoute, c'est... Répète-le. Bah tu commences à me saouler. C'est clair, c'est net. Bah non, c'est toi, Marie, ma... Hein? Tu sais c'est qui, là? Bah ouais, c'est toi. Tu prends ton numéro, non? Bah non, bah écoute, au bout d'un moment, à force d'entendre, à chaque fois tu parles sur l'un, sur l'autre, tu parles sur moi, tu fais comme moi, tu fais comme si... Que je parle, je m'emmerde avec personne. Bon, tu t'emmerdes avec personne, et à chaque fois tu viens à la maison, tu vas parler d'un, vous parlez de l'autre. De quoi? T'as pas chier ou quoi, toi? De quoi j'ai pas chier? C'est relou, quoi, tu fais à chaque fois... Dans le cul. Bon, non mais arrête, hein, il faut quand même, c'est bon. À chaque fois tu fais comme moi, j'achète une maison, t'achètes une maison, j'achète un cookéo, t'achètes un cookéo. Tu fais tout comme moi, t'as vraiment pas de personnalité. J'ai juste été moins con, j'ai attendu que le prêt à taux zéro il double, parce que toi t'as été un peu plus con et trop pressé. T'as attendu 3 mois après, bah t'avais 80€ de mensualité en moins par mois. Donc déjà ça t'évitera de bouffer des potes tous les jours. Alors comme t'es bien. Alors déjà, je bouffe pas des pâtes tous les jours parce qu'à chaque fois que je t'invite à bouffer, t'es difficile. Tu sais jamais quoi bouffer. Tu commences vraiment à me casser les couilles, espèce de pute. Ah bah ouais, c'est sûr, des pâtes au thon, des pâtes à le bolo, des pâtes à le mayo. Tu sais faire que ça, bouffer. C'est sûr que le cookéo, il te sert, toi. Ah bah non, bah c'est toi, le cookéo, il te sert carrément parce que toi, tu sais pas cuisiner. Puis le jour qu'on a fait l'euro, tu te rappelles qu'on a fait l'euro, que t'es revenu à la maison parce qu'à chaque fois, tu viens à ma baraque, on va jamais à la tienne. T'avais fait ton cocktail. Tu veux jamais bouger ton cul, ça te fera peut-être du mal de bouger un peu ton cul, ça te fera pas de mal. Ok. Non mais oh, t'es vraiment pas. Non mais même à chaque fois qu'on sort, enfin je sais pas, à part montrer tes nichons à tout le monde, tu sais rien foutre. Hein. Quoi? Ouais, à part montrer tes nichons à tout le monde, tu sais, tes gros nichons, là, chaque fois qu'on sort, là, t'es obligé de mettre un soutif super rembourré pour qu'on voit la moitié de tes nichons dépassés. Eh c'est bon. Hein. Bah moi je l'ai 95E. Toi tu fais quoi 90B, on dirait des gants toilettes, tes nichons, alors ça toi c'est à ma gueule déjà. D'accord, tu dois avoir des sales putes. Ouais, bah moi c'est peut-être né ça, mais toi c'est ton cul, t'as vu ton cul comment qui tombe, tu ramènes dans la salle de sport. Tu viens, bouge un petit peu ton cul à baraque, prends ta bagnole, vas-y, viens. Toi tu branles rien de ta vie en plus, et en plus, non seulement tu branles rien de ta vie, Et tes gosses, en plus, ils sont mal éduqués. Hein. Franchement, bah, même pas de bonjour, même pas de revoir. Félicitations, classement. Tu viens de pleurer quand les chefs sont éduqués comme ça. T'es barré où, toi? Non, mais du coup, je suis barré où? T'as chiqué? Moi, je suis normale. Non, j'ai pas bu. Ah non, pas du tout. Il y a un moment, tu sais, il faut que ça arrive, il faut que ça éclate. Il faut se méfier de l'eau qui dort. T'inquiète, tu vas dire, tu viens chez moi, t'es barré où, connasse, va. Vas-y, ferme ta gueule, Marie, arrête. Arrête, tu me saoules. Ferme ta gueule, tu vas voir, je vais te faire avaler tes dents. T'es fini à le avaler mes dents. Attends, je peux pas te faire avaler les tiennes, ma vente, parce que t'as même plus de dents. Bah putain, j'en ai 32, toi, tu vas t'arrêter deux dents, deux minutes. C'est quoi, parce grosse putain, quand tu mets tes photos de profil là sur Facebook avec ton cul, avec ta bouche en cul de poule. Cul de poule, bah putain, moi je peux voir mes dents, pas comme toi. Tu mets le photo, on voit que t'as un front. T'es barré ou quoi, là, va. Moi, c'est mon front. Défends, tu me respectes, moi, on voit pas que mes nichons. Bah, tu te respectes, t'as un grand mot. Hein. En même temps, tes nichons, est-ce que faut de les voir, toi? Oh, ta gueule, c'est plat comme un omelette, c'est plus des nichons, c'est des grandes toilettes. Mais toi, tu prends un histoire et là, tu avec. Mais ouais, vas-y, va, grosse putain. Là. Va faire ta bouche en cul de poule, là, sur ta photo de profil. Tu passes le langue en direct en train de... Alors, déjà, une photo de profil, elle a été changée, ça fait au moins 15 jours. Hein. Tu devras peut-être mettre tes lunettes au lieu de mettre tes lentilles, tu verras plus clair. Tes nichons sont trop dégueulasses. Bah, tu ferais mieux d'aller te mettre un anneau gastrique, hein, parce que t'en as besoin à perdre du poids. Hein. Bah, désolé, mais t'as au moins 20 kilos de plus que moi. Hein. Toi, tu feras peut-être pas mal et bouger t'as un cul. Tu te l'incules, ouais, mais ils sont proportionnés. On va le fêter. Ouais, ouais, c'est un cul que ce baraque à frites. Bientôt, tu vas pouvoir t'enfiler des fricadelles, espèce de connasse. Bon. Tu sais quoi, dans deux minutes, je vais venir faire bouffer le téléphone. Hein. Ouais, et c'est quoi, arrête de m'écrire la nuit. Arrête, parce que là, tu m'énerves, d'accord? Eh, tu sais quoi, arrête de m'envoyer des SMS la nuit, hein, parce que j'en ai rien à foutre de ta vie. Et alors, c'est ce que je veux, c'est toi qui marcelles, les connasses. Tu n'envoies bien. Non, c'est toi qui marcelles. Madame, elle regarde un film d'horreur. Hein, j'ai peur. Viens avec moi. Alors, c'est bon, maintenant tu te calmes. Elle me dit toujours, bah, on a regardé le film avec deux. Bah, ouais, que tu veux. Vas-y, ferme ta gueule, grosse putain. Mais tais-toi. Va te laver, là. Va faire ta baraque. T'as encore besoin d'un aspirateur au robot pour faire tes poussières. Ben alors, je travaille. Toi, tu verras pas mal de le faire. Ça fera maigrir. Est-ce que cette connasse va. Bon, j'appelle ton mère pour qu'elle vienne faire un ménage. Moi non plus, j'appelle pas ma mère pour qu'elle vienne faire mon ménage. J'ai mes bras, par contre, t'as un aspirateur robot, là. Ah, avec ton aspirateur robot, madame, elle appuie sur un bouton, vous voyez, ça aspire. C'est trop dur, ça, c'est le balai. T'as qu'à pas rester au chômage, tu pourras te le payer, l'aspirateur robot. Si t'es pas à côté, t'as qu'à venir en léquer mes sols. Non, mais t'es pas à où, là? Mais bouge un peu ton gros cul, ça te fera du bien. Va prendre l'air, là. Ça va te faire du bien. Bouge le tien, gros cul. Ça vous ton cul. Mais ouais, c'est ta mère, espèce de sale pute salope. Va niquer ta mère. Grosse gaudruche. C'est quoi, va te faire enculer. Toi aussi, va te faire enculer. C'est qui a un derrière? C'est vrai qu'elle a un gros cul, quand même. Hein. Un gros cul. Il y a Stéphane qui ferme sa gueule aussi, il est barré où? Quoi, il s'y met aussi, mais vous êtes il y a une intoxication au gaz, votre baraque. C'est vrai que. Bah attends, c'est vrai que j'ai vu sur le Facebook un gros cul. Ta gueule, toi, t'as quelque chose à me dire, viens en face, t'es barré où? Bah, oh, non, tu coulines, t'es trop gentil et tout. Puis là, tu te permets de m'insulter, je suis toujours en train de me démerder pour vous. Oh, qu'elle ferme sa gueule, c'est bon, c'est bon. Tu vas te faire enculer, va bouffer tes pattes, toi. Tes pattes à la maillot, du ketchup, le bâtard. Enfant de pute. Ta mère, elle fait la salope, elle a dit qu'on prend un calme, elle a dit qu'on prend un poulain. Ta gueule. C'est bon, t'as fini là maintenant? Madame, alors tu ramènes ta gueule, j'attends que c'est moi qui viens. Bon, ça faut faire 100 kilos, tu je vais t'arracher le tête, ferme ta gueule. Plus, là, elle est en boucle. Oh, ouais, Marie, c'est bon, elle ferme là. Ta gueule, toi, va niquer ta mère, connard. Franchement, ma cousine, parce que je vais te faire bouffer le téléphone aussi. N'importe qui va parler. T'es jeune, toi. Tu changes une couche, tu dégueules, espèce de mongole. Ça va me faire vomir sur le parking du crocodile. La meuf s'arrête jamais, en fait. Allez, punchline. Eh, on va t'envoyer voir Booba, toi. Ah ouais. On va faire un album de rap. Faire un album. Là, t'as écrit l'album de Booba pour les 3 prochaines années. C'est qui, là, c'est pas tout. Eh, Marie. Qu'est-ce qu'il veut aussi, lui? Quoi, c'est pas un frère et un mail. Marie. C'est lui avec Mélanie. Marie. C'est une insulte, une seconde. Ok, c'est vrai qu'il y a une insulte. Julie, dis-lui bonjour. Salut. Ta gueule, toi. Pierre, tu veux lui dire bonjour? Bonjour, mademoiselle. Ta gueule, passe-moi ma cousine, toi. Je t'ai pas fini de travailler sur ton compte, bâtard. Vas-y, Guéguette. Guéguette, dis bonjour à dame. Bonjour, ça va bien? Dans deux minutes, je raccroche, passe-moi ma cousine ou je fais le téléphone. Non, attends, non, non, non, non, non, non, non, je te la. Ça va être réglé dans 2 minutes, je suis là. Calme-toi. Mais non, arrête, j'ai que de la gueule. Ta gueule, toi, t'as que de la gueule. Ben, moi aussi, ça tombe bien, je suis en congé, tu as plus d'avoir de gueule. Combien de temps tu vas mettre à venir? Que ça peut te foutre, connard. on va éviter qu'elle se déplace. Ouais, hein. Oui, on va éviter, ouais. Marie, tu vas éviter que je me déplace, ouais, vaut mieux pour ta gueule, parce que moi, ma cousine, je t'ai dit. Non. Elle a le blabla, t'as le blabla, puis après, je passe sur le téléphone ou d'autres. Non, j'ai pas envie de te passer la cousine. Non, puis attends ta gueule, toi, Stéphane, je te vois, t'as une grosse plaque en pleine gueule. Stéphane. Mais non, mais je te passe pas. Oh, ma petite cousine. Bah, attends, tu vas voir sa petite cousine. Je te passe pas la cousine. Non, je passe pas. Oh, tiens, foutre. D'accord. Ah, j'ai cru que tu l'avais calmé. Mais tu sais quoi, allez tous vous faire enculer quand vous aurez besoin de moi, bah, démerdez-vous. Je m'appelle Koé. Ah non, c'est bon. Là, je crois que j'ai entendu des expressions que je n'avais jamais entendues. On a pu remplir notre machine. C'est mythique, là. Ah, là, elle est fantastique. Elle est fantastique. Un peu extrême, peut-être. Un peu. Voilà, un peu l'énervement facile. Que tu reviens encore. Marie. Ouais, c'est bon, je suis en route, là. J'ai mis mes godasses, je descends. Là. Je me fais une clope et j'arrive. Et Marie. Ouais, ta gueule. Toi, tu fais quoi, 90 secondes, on dirait des gants toilettes, t'es nichon, alors toi, ça ma gueule déjà. D'accord, t'es dans le bordel. Et alors, t'as besoin de répéter ce que je t'ai dit. C'est Rokive. Tu tiens un cul que ce baraque après, bientôt tu vas pouvoir t'enfiler des fricadelles et que cette connasse, bon. Si t'as besoin d'enregistrer ce qu'on se dit, mais t'as vraiment pas de mémoire, ma pauvre. T'as vraiment un cul de poule. Moi, c'est Koé. Ouais, ma mère, c'est la reine d'Angleterre. C'est vrai? Passe-moi ton cœur parce que j'ai foutu une claque en pleine gueule, toi. Moi, c'est Koé, on est sur énergie. Ouais, c'est bien, mon cul, c'est du poulet. Je sais pas, j'ai pas goûté. Mais ça m'étonnerait. Ta gueule, passe-moi ma cousine. Ah, elle croit pas. Hein. Bon poulet. On va demander au public d'applaudir. Allez. Marie. C'est quoi maintenant? Marie. Tout ce qu'elle t'a dit, elle a accroché. Elle a accroché. Ah, non, voilà. Elle est dure, ta cousine. Angelina, ah, ouais. Elle arrive. Hein. Je crois qu'elle avait un caractère de cochon. Ah bah écoute. Allez. C'est plus de cochon là. C'est... Alors, on va quand même lui dire. C'est nous, tant pis. Moi, je suis en train de descendre, là, attends, j'arrive. Et combien de temps elle va mettre à venir, Angelina? Elle a répondu. Elle est là. Ah, elle habite à 5 minutes. 5 minutes. Ah bah écoute, elle arrive. Oh, moi, j'aurais bien, pour un côté sportif, j'aurais bien laissé. Ah, ça sent la grosse claque dans la tête. Marie, n'y va pas, c'est une blague, on est sur énergie. Marie. T'as fini, ça vous a dit Marie. C'est une blague. C'était pour t'énerver. T'es sur énergie. Tout ce qu'elle t'a dit, c'était pour rire, elle le pense pas. C'est qui? C'est Koé. Donne-moi le C, donne-moi le A, ouais, donne-moi le U, donne-moi le D. Ah oui, c'est ça. Et ta mère, c'est la reine d'Angleterre, je sais. Pose-lui une question, tu verras. Ah bah oui, c'est voilà, vas-y. Comment tu t'appelles, bah Koé. Marie, c'est pour rigoler. Remonte chez toi. Ouais, bien sûr. Mais lui un jingle, elle met un jingle. Quand tu mets un jingle, ça marche. Mets un jingle. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Voilà, ça y est, tu nous crois? Voilà, en fait, ça y est, c'est bien. Ça marche. Ça sourit, voilà. C'est bien. Voilà. Tous les propos qui ont été dit pendant cette séquence sont des propos d'énervement tels que cette phrase. Et voilà, mais quand on s'aime, ça ne compte pas. Eh oui, évidemment. Parce que avant tout, ce qui est important, c'est de l'amour et maintenant ils en rient. C'est ça qui est bien. Dites-vous, je t'aime. Je t'aime, ma cousine. Tout ça en moins de 5 secondes d'écart, c'est fantastique, c'est ça que j'aime dans cette émission. Voici One Pilot, c'est ça? Non, One Pilot. Je dis, tiens, ils en ont enlevé un. Ils ont enlevé 20 d'un coup. Les mecs n'étaient pas d'accord sur l'argent, on dit, les 20 là-bas, vous dégagez, je reste tout seul. Voici One Pilot, ouais, c'est bon. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there will be people.

Energy. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. Ah, moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349€ seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Vous avez, je vous avais vu qu'il y a maintenant un Kamasutra automobile qui est sorti. C'est le Kamasutra. En gros, on te fait des positions et selon la position que tu kiffes, quand tu fais l'amour, on te dit quelle voiture faut que tu achètes. Ouais, selon la place qu'il y a dans la voiture. Pour faire ses positions. C'est la grande aventure du Kamasutra, avec des trucs confortables. C'est pratique. Là, là, là, là. On les a les photos. Ouais, tu les Elles sont où les photos? Elles sont sur ta droite. Elles sont où? Elles sont à gauche. Voilà, ils vous montrent les trucs. Alors, ils c'est quel modèle? Ils disent pas ça. Après il y a des photos avec une Chrysler, une Jeep. Voilà. Pour la Chrysler, ils te disent que tu peux te mettre sur le côté et la dame elle peut être au-dessus. Ouais. Faut avoir une Chrysler. Il y a le levier de vitesse après. Pour une Jeep à l'arrière. Ah pas mal la Jeep. Ouais, que j'y pense. Ah oui. Il n'y a pas 50 trucs, hein, on en a que deux. Il y en a 4. Voilà. Bon, en gros, tu sais que si t'as un gros 4x4, moi je te le résumais le bouquin, on va s'emmerder la vie. T'as un gros 4x4, tu peux faire un plan 1-3, t'as une Twingo, c'est une branlette au feu rouge. Hein, c'est avec nous, dans un instant, il y aura Alex Ayano qui sera notre invité. C'est mais si, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Tu veux faire dans une Twingo. S'il y en a qui ont déjà fait l'amour dans une Twingo, dites-le-nous dans une Smart. Si on a qui ont réussi à faire l'amour dans une Smart, je veux un témoignage, limite des photos pour que je vous croie. Koé@energie.com. Envoyez vos mails, envoyez vos messages sur notre Facebook aussi. Voici Sound of Legend. Alex, ah là là là là là là là là, comment ça va? Welcome. Hey, how's it going? I'm very happy to see you. Welcome in my show. Thank you. I'm very blessed to be here. Laisse-moi te présenter. I introduce you my team. July. Hello. John Peter. John Peter. It's Gigget. John Peter. And my translator. Do you know? I just met. Yeah, we just met a little bit earlier. Yes. Yeah. Well, do you make something with him? Yeah, we made a little. We did a little interview. Quoi? Ah yes. Avec Loris, parce que Loris c'est notre traducteur. Ouais. Was it good? It was really good. I don't understand sometimes, but it's okay. So sorry, you don't understand the translator? Well, there wasn't. I mean, he was his own translator. Ah, il faisait ses propres travaux. Ah, ouais. I'm so sorry sometimes, because it's the only one translator that we have. It's okay. Okay, but it. No, it was still good. Ça a pas été bon? Je sais pas. On s'est compris, non? Uh-huh. Et il parle en français. Yeah. With me. I understand me, non? Uh-huh. Yeah. Bah, it's good, alors. It was good, yeah. Bon, j'ai quand même lui raconter. Faut que je vous explique. It's not a real translator. No, I got that. I noticed you guys like to play a lot of jokes here. It's a guy of my team. Juste donne la place à Elsa. Ouais. Elsa is the real one. But juste vous expliquer que juste avant l'émission, Alex était dans une pièce au-dessus, ouais, et Loris a été le mec qui posait des questions, mais dans une espèce de... Il parle pas anglais, Loris. Anglais, espagnol, français. Have you ever had a worse interview in English than with him? No, it wasn't bad. Ah, like, bon, c'était pas si mal. You know, it was just different. You know, oui, c'était différent. Tu vois, pas dire c'est la merde, c'est différent. C'était pas la même langue, c'est différent. Une interview en anglais par un mec qui parle pas anglais, ça va être compliqué. Le mieux, c'est quand il a dit Drake au lieu de dire Drake. Je crois que c'était quand même pas mal. Drake. So did you do that on purpose? Of course, everything was on purpose. Got it. Okay, now I get it. Now I get it. Maintenant, il comprend mieux, oui. On va vous mettre la vidéo parce qu'il faut que vous voyez quand même le sérieux de Loris pendant qu'il fait l'interview. C'est super. He remained very serious. No, he did. You're great. Il a bien fait. Ouais. Et ça cartonne quand même. Dans un instant, on va se faire le titre en live, mais. Yeah, the song is a huge hit. Il y a du monde qui le suit de partout, machin et tout. Là. Followers. Yeah, I would have never thought. I mean, you know, it did super well on YouTube and it was fun, but I had never thought that it would translate over into, you know, radio. Ouais, en fait, ça a démarré hyper bien sur YouTube, mais ils pensaient pas que ça donnerait ce que ça donne aujourd'hui et que ça arriverait à la radio carrément. Tout à l'heure, on fera jouer le public, puisque dans le public, il y a que des fans qui sont tout lots en mode. Lots of fans in the public today, so we're gonna play with tout them. En mode, je le regarde, il est trop beau. We're all big fans of you. Vous le trouvez beau? Oui! And they think you're cute. Thank you. Moi, je trouve pas. Mmh. He doesn't think so, but they. Okay. Il faut bien qu'il y en ait un quand même. On va pas lui dire. There always has to be one person who says no. On va pas lui dire toute la journée qu'il est beau. Il en pourra plus. C'est vrai. Yeah, you probably get tired of hearing you look good, right? No, non. Ils s'en lassent pas. No, it's always a nice thing to hear. Non, c'est toujours sympa à entendre quand même. Moi, j'ai jamais entendu. Yeah, on me l'a jamais dit. He doesn't get that a lot. C'est vrai, on t'a jamais dit t'es beau. I think you're very handsome. Voilà, il te trouve très beau. Non, mais il dit ça pour faire plaisir. Bah, évidemment. Et il veut revenir. You just want to come back on the show. No, I just want, you know, I want to secure my place. I want this to be a permanent spot. Voilà, en fait, il aimerait avoir une place au sein de l'équipe. Ah. Tu croyais qu'il était pas sincère? C'est pas moi qui dis ça, c'est Julie. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Okay. Non, il je vais très sincère. Si. Dit, il veut juste revenir. On dit handsome, c'est ça? Hein? Sincère, c'est handsome? Non, c'est sincere. Sincere, you're really sincere. Thank you. Thank you. Thank you. Tiens, Julie, regarde. Émilie qui voulait faire un bisou. Ça va, Émilie? Oui. Emily. Bonjour tout le monde. Émilie, je te présente Alex. Alex, Émilie. Vas-y, ma chérie. Hello, Emily. Hi. How are you? Good, good. And yourself? You are amazing. Thank you very much. Where are you calling from? D'où tu viens? I'm from Lille. I'm going to be honest. I don't know why I asked. I only know Paris, but I hope that's super close. It's in the north of France. Okay. I hope that's super close. It's not that far. Pose ta question. Alors, ma question, c'était, je voulais savoir s'il s'attendait à autant de succès avec ses covers et qu'est-ce qu'il en pensait. She wants to know if you expected so much success with, you know, by covering songs. You know, from the very beginning, I always did covers just to, you know, have some videos and some content for the fans to see and the fans to listen to. Ouais, à la base, il a fait des reprises pour avoir du contenu pour ses fans et qu'ils aient des vidéos. That's always been super important to me, and so I didn't. You know, I always hoped that it would happen, that you know, millions of people would want to watch my videos, and I just never thought, you know, I never thought that it would happen in such a just a rush amount of time. You know, ouais, donc évidemment, il espérait qu'il y aurait des millions de vues comme c'est le cas, mais voilà, il aurait jamais pu penser que ça arriverait en plus aussi vite, parce que ça a été très rapide. Like 0 to 100 real quick. Ouais, c'est passé de 0 à 100 et ensuite à 1000 et 1 million très très vite quand même. Voilà ma petite Émilie. Merci beaucoup. Je fais des bisous. Thank you, Emily. T'embrasse, ma chérie. Thank you. T'embrasse. Bye. Bisous. Love bye, you. Bye, bye. Bisous, ciao, bisous, kiss. Jade. Bisous, kiss. Oui. Bonjour tout le monde. Ça va, Jade? Ça va, Yves. Allez, vas-y, ma chérie. Alex, Jade. Hi, Jade. Hi, Alex. How are you? I'm good. I'm fine, and you? Oh, we're both just talking at the same time. we just totally did that. Do you have a question? Yes, I want. Je la pose en français. Oui. Je voulais savoir comment ça se passait pour les covers. Comment ils faisaient la première chose qu'ils faisaient quand ils voulaient faire une cover? How do you basically pick what song you want to cover? What's the first thing you do? Honestly, I look at the comments and I listen to the fans is the very first thing. La toute première chose, c'est lire les commentaires des fans. You guys are literally like my ears, you know? You guys listen to what's hot. C'est un peu ses oreilles, en fait. And I listen to that and then I also choose songs that I like, you know? I don't do any songs that like I don't like. Oui, et puis évidemment, des chansons qu'il aime. Il ne fera pas des chansons. Il ne va pas reprendre des chansons qu'il n'aime pas. Non, ça c'est le minimum. Et d'ailleurs, est-ce que ça te ferait plaisir qu'on fasse le titre en live, Jade? Ouais, ce serait vraiment cool. Et je peux avoir un autographe aussi. Ouais, du coup, mais bien sûr, ne le demandez pas. Dès que vous passez dans l'émission, on vous le fait, on vous l'envoie à la maison. D'accord, Majad? D'accord. Il vient d'en signer un pour toi. Voilà, on se fait le titre en live. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est très simple, cette signature. Oh, do it on mine. T'as fait un trait. She said it's easy. Yeah, she's gonna want to imitate it. Tu vas essayer d'imiter après. Tu sais pas signer en fait. C'est simple. Is that a real signature? C'est un zigouille, yeah. C'est le zéro. Et ça veut dire quoi en fait? Parce que... Mais il a raison, ça va plus vite. Ouais, il a raison. But it's mine. Bah, c'est pas la meilleure, mais c'est la sienne. Bah, écoute, c'est comme ça. Et puis tu fermes bien ta gueule. Non, mais je trouve ça marrant. Qu'est-ce qu'on te demande, toi, ta signature? Julie, bon, Julie, on va la signature de noble. Non, mais je trouve ça marrant. Avec la cire et le saut. Ouais, c'est ça. Oh, enfin. Alex, ready to sing? Huh? You ready to do that? Sing. Ready to sing, ça se dit? Yes. To sing, yeah. Yeah. Take the this? Place. Take the place après. Okay. Ready to perform? Oh. Ça se dit aussi? Oh, oui. Are you gonna sing with me? Non. You gonna sing with me? Non. Better not. Non pour le. Non oh, alors. Non. Pour. Ils s'entraînent bien. Pour ce premier live sur Energy. Yeah. For your first live on Energy. Yeah. Je te laisse y aller seul. He'll let you do it alone. Okay. Ah, il voudrait pas lui faire de l'ombre en fait. Yeah. Okay, but next time we gotta have like a triangle. La prochaine fois. Ding. Ouais. Avec le triangle là. Ouais, tu sais. De loin. Ouais, yeah, from far away. Maybe. Let's go. Okay. Let's go. Allez, le public, les filles, levez-vous, c'est cadeau. Jade, je te fais un bisou, on va t'envoyer ça chez toi, d'accord? Ok, merci, bisous à tous. Bisous, bisous, bisous, ma chérie. Ready? Yeah. Voici Alex qui est notre invité. Alex, I go! Baby, I like your style. Hey, grips on your waist, front away, back way. You know that I don't. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray And that's why I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time for I go. Higher power's taking all. I need a one dance. Got an NSC in my hand. One more time for I go. I was taking all. Oh, baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta amanecer. Hey, hey, como tú te amas, yo no sé de dónde llegaste ni energé. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita. Dale ae, moviendo todo eso pa' mí. Rompo a Tarejoma ni el Valles, llevámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche que bien dura que we. Óyeme ae, mami, vamos a darle. Rumbiando, bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time for I go. Higher power's taking all. I contigo hasta el amanecer. Fille Alex, allez, on en fait du bruit pour lui. Belle performance. Elles connaissent tout par cœur, sauf le moment où ça va un peu plus vite. Tu sentais que personne suivait. Qui connaît le moment où ça va plus vite? Except when it goes faster. Except when it gets to the fast man. Sometimes I don't even know. Même lui, des fois, il s'en souvient pas. Vas-y, mets le micro au fond. Il y en a deux qui ont levé la main en disant en mode nous on connaît. They claim they know when it goes fast. Vas-y, faites-nous. Ça lève la main, puis ça sait plus le faire. Let's hear it. Allez, vas-y. Allez, il veut entendre. Oye, mi mamacita, tu cuerpo carita. No, no, no, no, no, necesita. Mirando, chica tan bonita. I love you for trying, but that wasn't it. Merci d'essayer, mais non, c'était pas ça. C'était pas ça. La voisine d'à côté, ah, ça fait le malin, ça lève la main, puis ça sait plus, hein. Alors. Oye, mi mamacita, tu cuerpo carita. Et après, je dis. Same outcome. Pareil. C'était nul. Voilà. Bon, bisous les filles, bravo en tout cas. Tout à l'heure, on essaiera. C'est vrai que c'est Boubou qui a découvert le titre, apparemment. C'est Madame Bou, notre programmatrice, qui a kiffé. Ouais, Alexander, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Attends, oh, really? Attends, c'est quand Allez. Même. Non, c'est pas lui. Alexander. Qu'est-ce qu'elle a trouvé de bien? Vas-y, dis-moi, dis-moi. Dans le micro. Parle! Parle. Il y a trop de micros dans cette maison. Je suis timide. Allume le micro, toi, un jour un réa. Ah là là, Tilbolt avec ta chemise de serveur. Oui, il a mis la grise pour te faire plaisir, t'as vu. Vas-y. Un simple coup de cœur. Physique, ça aide. She says you have the looks too, that helps. Gros tube, et puis il y aurait les millions de vues. It's a huge hit and the million views helped. She loves the song. Thank you, I appreciate it. Milf. You guys are crazy. Ça va, ouais. Now she's embarrassed. I like dauphin. En plus, elle a le pas de danse dessus. Elle danse trop bien. Ah, les épaules de ouf. Regardez-la là. Au milieu. Regardez-la. Bouge tes épaules comme ça. Dis donc. Mais c'est incroyable. Ça se lâche, hein. Mais oh, je peux jamais plus faire ça. Ah, c'est pas sur les trois mousquetaires que tu ferais ça. Ah, je l'ai jamais vu. Ça fait des années que j'ai jamais vu. C'est la face cachée de Boubou. Boubou chaudasse. Hottie Boubou. Boubou latino. Ouais. Les boubous les plus chauds de notre région. Tu fais un I need to learn the moves. I need to learn some dance moves. Ouais, il faut que tu l'apprennes, les pas de danse. Hein. Allez. Whenever you want. Vas-y. Allez, on s'en sort. Ah bah, now, let's do it. Allez, Boubou. Allez, Boubou. Attention, et tu vas c'est faire. C'est ton quart d'heure, Boubou. Le tour du monde, Boubou. Le tour du monde. Shakira va te voir. Elle dit je la veux, la bicyclette. Ouais. C'est bientôt elle. En concert. Hein. Fais ton bougement de Boubou. Allez, vas-y. Ouais, comme tu disais tout à l'heure. Là, c'est un kiff, là. Elle se rapproche, là. Vas-y, là, c'est pas un kiff, là. La lumière, elle kiffe, tu vas kiffer. Vas-y, profite, Boubou, profite, ton mari est pas là. Profite, tu fais bravo. T'as bien fait de venir aujourd'hui. Hey. Ça va être dur de dire à ton mec, je suis rentré tard, j'avais du travail. It's gonna be hard to tell the husband, sorry I'm late, you know I had work. Oh, sorry. Ouais, désolé sorry, pour Mr. le Alexandre. Désolé pour Monsieur Alexandre. Bon, allez, tiens, on a Ryan qui voulait poser une question. Salut mon Ryan, ça va? Oui, ça va. Ouais, moi aussi Ryan. On y va, question mon pote. Bonjour, Alex, ça va? Hi, how are you doing? I have a question. Is the first time you came to Paris? Yes, this is the première fois qu'il vient à Paris, lui demande. Yeah, this is the first time I've ever been to Paris. I just saw the Eiffel Tower in person for the first time. I was driving, but it was still really, really cool. And I'm just excited to be here. It's like the dopest city I've ever been to. Alors, c'est la première fois. Il est hyper content d'être là. Il est juste passé devant la Tour Eiffel en voiture pour le moment. Mais il était trop content de l'avoir en fait. D'accord. And do you want to come back here? Oh, heck yeah. Il aura envie de revenir, bah oui, évidemment. For sure. Sûr. Okay, and do you will do one date what one I don't say. Do you do a date? Is there a concert planned anytime soon here? Oh, I thought she has. I thought she's asking me on a date. Ah oui, non, il croyait que tu voulais sortir avec lui, genre. Date one. Date two. Hopefully, super soon we can get some concert dates going. First, let me get some original music out. Oui, déjà, il sort un peu de la musique à lui, pas des reprises, et après, il espère effectivement qu'il y aura des concerts. And then hopefully after we have a concert. Voilà. Et I am in, just in front of the studio. It's possible to have something about you, like a... Il est devant, là. Bah, qu'il y reste. Ouais. Ça doit stay outside. Il fait beau. Il fait beau en ce moment, bah ça oui, va. J'ai ensuite. Envie de dire, on sera en hiver, j'aurais eu pitié, je t'aurais offert une soupe. If we were in winter, you know, we would have had pity, but summer, it's nice. Pourquoi t'es pas rentré? Pourquoi t'es pas rentré? Parce que c'est plein. Il était pas sur la liste. Hein? Pourquoi t'es pas rentré? Ah, on n'a pas voulu, c'était complet. Il y a une raison pour laquelle t'es pas rentré, non? Non, bah non. T'étais armé? Tu portes une arme sur toi? C'est you're carrying a gun? Is that why you didn't come in? On emmène quelqu'un peut-être te chercher. We might send someone to get him. Ah ouais, mais faut pas crier comme ça. C'est pour être sûr. On va voir d'abord la tête que tu as. First we'll see what it looks like. On va voir la tête que tu as et on lui a donné une mission de sale gueule. Si t'as une sale gueule, tu ne rentres pas. D'accord, je suis là. T'as des sous sur toi. T'as tout le monde qui fait chier. Et c'est 20 euros. 20 euros if you want to get in. You can have it. Non, tu peux avoir l'argent. Bien sûr. 20 euros, t'as 20 euros sur toi? Je prends la carte bleue sinon. On l'a perdu là, je crois. Bien sûr, il est en train de descendre les escaliers, peut-être. Attends, on va faire un premier pas. Ouais, premier check. Attends, premier check. Je lui dis la fouille déjà. Fouille-le. Attends, je le vois descendre là. On est comment? C'est là que vous dites non devant la porte du studio, le pauvre. Il y a la sécu qui le retient. Ouais, la sécu le retient, c'est très mauvais signe. Security is holding him back, that's a bad sign. Voilà, attention, calmez-le, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui donne sa pièce d'identité. Ah bah c'est mort alors. Ah, we have a security high level, it's like a Pentagon. It's a Pentagon. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là? Il est là. Attends. Je sais pas s'il peut rentrer, hein. Oh! Ah, c'est lui! Oui, il a l'air tout gentil. Oui, c'est moi! Ouais, une tête chelou. Mais non! Bah, allez, viens, rentre, allez, dis bonjour. Voilà, le jeune homme qui était dehors. Hey, voilà. Hey, oh! Regardez-moi ça! T'es content? Oui, bah oui! Viens ici! Viens ici, okay. Content, viens là! Vas-y. C'est quoi ton prénom? Ryan. Salut Ryan, 20 euros. Tu kiffes? Bah, ouais. 20 euros, tu fais. Eh, oh! T'as combien sur toi? Là j'ai 5 euros. Laisse ton téléphone. Prends-lui son blouson. Mais ça va pas non. Les gars ou quoi? Les chaussures. Il a quoi comme chaussures? I can say how much you have on you. Shoes maybe. Déconne pas. Il faut toujours avoir de l'argent sur soi. C'est ta sécurité qui dit ça. T'as combien sur toi? Il se fait raqueter. Oh, he's looking through his wallet. I'll pay the 20. Non mais Alex, c'est pour payer pour lui. C'est pour déconner. Non, te touche pas. Mais ils ont encore les porte-monnaies à scratch comme ça. Ah oui, hyper mignon. Vintage. Pour payer la sécu. Il est en train de prendre son argent. Alors, il a combien? On laisse ça. Oui, coins. Ah, il se barre. Il y a combien? Monsieur, 1 euro, 5, 4, 4 euros. 4. 4 euros? T'as pris les 4 euros? Ouais. It's better than nothing. C'est pas grave. Café! Qui veut des cafés? Do you want a café? Non, I'm okay. I'll have a tea. Il veut bien un thé. Okay. One tea! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il y a rien. Tu croyais que j'allais te rendre? Non. You thought I was gonna give him back? How far is this gonna go? Ouais, Alex, il fait jusqu'où il va aller? Jusqu'où va-t-il aller? Mais je vais pas lui rendre. He's not giving it back. I don't know what to say. Attends, les petits mecs, c'est pas quoi dire là, il est dégoûté. C'est pas grave, en fait, c'est pas mis dessus. J'avais plus, je dois te faire un bon. Oh. C'est pas grave. C'est continue l'émission parce qu'on prend du retard. Oh, ah, le pauvre. Il rentre, il se fait dépouiller. 4 euros, on est bien. Mais rends-lui, ouais. Tu rigoles ou quoi? On est refait. T'as vu le plaisir qu'il lui a donné? C'est presque un kebab. Il y a 20 centimes 50, par terre. 50. Oh, pardon, merci split beaucoup. J'ai oublié 20 centimes par terre. Voilà, il faut qu'on fasse ça. Au moins, ouais. You want to split it? No, he said we'll split it 50-50. Vous allez partager, apparemment. Ah, bien sûr. Ok, alors 2 euros pour lui. He was going to keep it all. Bon, c'est la moindre des choses. Non, ouais, il y a qu'à la craie. Elle est gardée pour toi. C'est la moindre des choses. T'as mis les petites pièces. Ça, voilà. Giving you the spare change. I want to make sure that you're actually split in. Ouais, il vérifie bien que tu partages en deux, hein, vraiment. Moins ma commission. Ça y est, on y est. On a racketté un peu un auditeur. Mais rendez-lui son argent, mais les gars. Mais on va lui rendre Julie Rigolade. Et il mérite un selfie pour le coup. Qui? Yeah, can I get a picture with you? Tu veux ton selfie? Bah

radio des top DJ mondiaux. Vous cherchez quoi en fait ? Faire des rencontres. Pour moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis, pourquoi pas trouver l'amour ? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. Simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. Rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. La fusion de l'homme et de la machine. Hier, un fantasme. Demain, une réalité. Prothèse, réalité augmentée, cyborg, tour du monde d'une révolution nommée le transhumanisme. De chair et de métal, un documentaire 2.0 à découvrir sur energygames.fr. Elle vient me voir et c'est vrai qu'on se connaît. Je la suis voir ce qu'elle veut me montrer. Elle veut partir et m'emmener me fêter. C'est nouveau, j'ai pas envie d'essayer. Elle a l'habitude et dit que c'est bien. C'est vrai que je ne suis pas curieux. Elle me dit de sortir avant d'être vieux. Non, non. Elle veut m'inciter mais j'aime pas danser. Je ne suis pas du genre à faire semblant. Le temps passé, je ne veux pas bouger. On meurt un jour et moi j'attends en m'occupant. Elle me fait voyager. Grâce à la télé, grâce à la HD, j'ai découvert un truc que j'ai pas acheté. Je la suis comme si j'étais son ombre. Mon téléphone n'a plus de réseau. On se perd et peut-être qu'on a raison. Ah, je ne vois plus la maison. Attends là, je ne vois plus la maison. Hey, je ne perds pas l'heure, je promets. Je commence à y prendre goût, ah ouais. On ne voit personne, on est partout. Sous la terre, sous le soleil. À part ça, je ne sais pas pourquoi elle emmène un mec comme moi. Mais ça me plaît quand elle me fait voyager. Qui voulait poser cette question. Ça va, Olfa? Ouais, comment vous allez? Bienvenue, Olfa. Bienvenue chez nous. Hello. Hello. Hi, Alex. How are you? I'm good, and you, how are you? I'm doing better now. Ah, il va mieux maintenant qu'il thank parle. You. Oh my God, you're 10. Just one second. He loves you. With the money of the guy, the coffee. Oh, the cheese. Donc, oh my gosh. Pose ma question. Vas-y, bien sûr, on était en train de passer le thé avec l'argent qu'on a raquetté. Comment ça s'est passé la collaboration avec Feder? Comment il l'a rencontré? C'est ce titre-là, Feder. Il est chiant, mais. Ah, écoute. How did that happen? How did you guys meet? So, My manager and Federer's manager, they know each other. Les deux managers se connaissent. And they had sent the song over, seeing if you know how I felt about it, and I really liked it, and so I put my vocals on it. Il a aimé, il a mis sa voix dessus, et le reste, c'est de l'histoire. Non, mais il est, c'est une tuerie ce titre de Federer. Mais le remède, on l'a pas bien entendu. It's a really good song. C'est le hit du moment de Federer, quoi. Que moi, je trouve dément. He loves it too. Écoute, là, c'est le son que j'aime bien. C'est bien, non? Bah, c'est un premier pas dans une musique originale pour le coup là. Ouais, yeah, that's the first step towards your original music, sort of. Yeah, no, it's definitely like that middle ground. It's like my song, but it's, you know, it's Federer's song. Exactement, so c'est à mi-chemin. It's a good little crossover. And then, you know, hopefully the next song that you guys play is an original song. Voilà, et espérons que la prochaine chanson qu'on va jouer, ce sera celle d'Alex. Voilà! Te fais un gros bisou, Olfa. Oui. Koé, je peux faire une dédicace, s'il te plaît? Je t'en prie, Olfa. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Une dédicace à ma meilleure amie qui est dans le public. Je t'aime, Emma. Oh, her best friend's in the public. C'est laquelle? Elle a fait « Oh non !» Quel relou, elle a dit. C'est de quelle origine, Olfa? Tunisienne. Je ne connaissais pas d'Olfa. T'es ma première Olfa. Je te fais un bisou. Et juste, congratulations, Alex, for the 3 million. Thank you so much, love. Bisous, ma belle. À bientôt. Mélissa, Ikram dans un instant. Ikram? Bonjour. Calme-toi, c'est dans deux minutes. Après le parakeet, reste là, Ikram. Oh, t'as vu la déception. Tu sais que comme tu y es presque, le manège il ferme juste avant toi. Oh bah non, j'y étais. Juste après, il est notre invité. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Pour le playback tout à l'heure. Qui est vraiment fan dans le public? Ah, il va refaire le live dans un instant, vous savez. Et vous allez avoir la possibilité de bien voir le live ou pas du tout. Aïe. Okay, so you're going to sing again and they're going to either get a chance to see you sing or not. L'inquiétude dans leurs yeux là. Eh oui, oui, oui. Don't worry now. Le principe, c'est qu'il faudra mériter de voir le live. Je vous explique ça après Mélissa. Mélissa, à toi. Right after Melissa. Allô. Allô. Hello. Mélissa. Hey, Alex, Mélissa. Love you. I love you too. I was wondering, do you have any project soon except your covers on your channel? Yes, I'm working on a bunch of new original music that I'm writing, and I'm in the studio a lot working on that. So hopefully, very very soon, you guys will have some original music. Mélissa lui demande s'il avait des projets à part les reprises, donc il dit qu'effectivement, il travaille sur sa musique à lui, sa propre musique, et qu'il y a plein de projets en cours. Moi, j'ai une question, Jean-Pierre de Paris. Vas-y, Jean-Pierre. Et il chante en anglais, en espagnol. Et pour son public français, est-ce qu'il sentirait de faire un cover sur une chanson française? You speak in English and in Spanish. Mm-hmm. What about singing in French for the French public? You gotta teach me. Teach me a song. Il faut lui apprendre une chanson. Il connaît pas le mot en français? You know any words in French at all? The only thing that I know in French is tu es très jolie. Ah! What's up, ladies? Ça marche. Tu es très jolie. Très bien. Bonjour. I sound super American like that. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? J'aime les croissants. J'aime les croissants. Did you just say croissant? Yeah, croissant. You said I like croissants. Oh, I do. C'est vrai. I do. Mais tous les Américains. We should have gotten a croissant instead of the tea. Et voilà, il aurait fallu avoir un croissant à la place du thé. Mais nous, on n'en bouffe plus les croissants. C'est le droit, nous. C'est just butter and butter and butter. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Rien. Qui fait des signes dans tous les sens. T'as vu qu'elle a des tocs? Elle est comme ça, elle fait. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi j'ai des trucs? Rien. Pourquoi? Rien. She does weird things. Bisous, Mélissa. T'as posé ta question, Mélissa, ou pas? Oui. Oui, tu l'as fait. Oui. Je t'embrasse. Est-ce que je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Il le fait. Il l'a déjà fait. He wants an autograph. On va te Oh yeah. I signed a ton of these. Voilà, I'm making it rain. Bisous. Merci, au revoir, thank Mélissa. You. Voici le grand jeu du public. Ah. Okay. Puisque, the game for the audience. On en parlait tout à l'heure. Il fait des covers. Le principe, c'est simple. Si vous répondez bien, vous verrez le live qu'on va refaire dans un instant. Si vous répondez mal, on va vous cover. On va vous coveriser. Pour vous If coveriser. If they get right answers, they get to see you sing again. If they get wrong answers, they're going to get covered themselves. Si, si. Oh, okay. But with a trash bag, apparently. Si vous avez la bonne réponse... Don't suffocate. Ouais, il est juste qu'il ne s'étouffe pas, quoi. Non, attention, ne faites pas ça chez vous. Don't do this at home. Que les sacs plastiques sont des cascadeurs. Ouais. Voilà, c'était avant qu'il fallait s'en rendre. Ah, mais j'ai dit... Ah oui. Bon, je rappelle que ne faites pas ça chez vous puisque nos jeunes sont des cascadeurs. Oui, exactement. Yes, of course. Ils n'ont pas deux ans et demi. Stuntmen are going to do this. Alors, attention, donc vous répondez bien, pas de problème. Vous répondez mal, hop, vous verrez pas le live. Get it? Ils sont où les sacs? Dans ta main. If they answer right, they say okay, yeah. Allez, on se met une pilotion, on se dépêche. Allez, il a compris. Attention, on passe le à la demoiselle là avec les lunettes. Mademoiselle, et personne n'aide personne. Yeah, no si quelqu'un. Aide une autre personne, c'est dans le sac direct. On y va. Si elles sont fans, ça devrait, ils devraient pas. Quelle est sa date de naissance? What's your birthday? Don't answer though. Personne n'aide. Février. February. C'est une date. Je veux le jour. Ouais. Oh, t'es une fan en carton. Entre le 16 et le 22. Allez, non. Between the 16th and the 22nd. C'est toi qui vas aller dans le carton. I didn't do anything. You're gonna get covered by bags. No, I didn't do anything. Quelle année? 16. 96. C'est bon, tu l'as. 16. Merci. Trop de chance. Elle a eu chaud, hein. À côté, la demoiselle à côté. Quel jour a-t-il posté sa vidéo The Ride by 21 Pilot? What day did you post that video? Oh, I don't even know that one. J'ai demandé si tu l'as repris ou un truc comme ça, parce que moi, je sais pas. Il l'a posté un jour. Tu ne sais pas, sac poubelle. Oh, she doesn't know. Sac poubelle. Si, il n'y a pas de mais oui, mais non. On a fait des trous, pour voir. Bien évidemment, on a fait des trous. Restez comme ça, mademoiselle, restez comme ça. Tu ouvres plus que ça, je te fous dehors. Ah, mais t'as pu. Je m'en fais. T'avais qu'à te laver avant de venir. Voici, on continue, la demoiselle, à gauche. All right, next question. Quand a-t-il ouvert sa chaîne YouTube? Quand a-t-il ouvert sa chaîne YouTube? When did you start your YouTube channel? Il y a 4 ans. La date. The date. L'année. Il y a 3 ans. Une année. Bah 2013. Eh ben c'est 2011. 2011. 2011. Allez, on y va. Elle est pas bien, tu sais. Sorry. Ensuite. Ah bah, c'est génial. Non, fais pas devant, c'est voilà. On fait la demoiselle là-bas avec les cheveux sur la tête, la Mylène Farmer mal coiffée. Là à gauche, voilà. Mademoiselle, question, quelle est la couleur de son t-shirt sur sa photo de profil Twitter? Personne n'aide. The color of your shirt on your Twitter profile pic. Orange bizarre. C'est génial, c'est ça. Weird orange. C'est blanc. Allez, c'est blanc. Allez. It's white. Oh, yeah, it's white. Ouais, sorry, love. C'est blanc. Question, si tu es fan? Non.

Vous ratez un pas de danse. Vous avez raté notre programmatrice, Madame Bourg, en train d'enflammer la piste. Yeah. Shout out to Alexander. On a fait une petite chorégraphie un peu simple, peut-être, mais c'est toujours efficace. Ça y est, je suis essoufflé. Ah. What do you want with a tea? Croissant. Oh, croissant. Oh là là. You got one. Croissant. Did you pull that out of your pocket? C'est sorti de ta poche, ça? Ouais, j'ai plein de trucs en dessous. And he has other things, too. Tu veux quoi d'autre? Un boulanger en dessous. Tu veux quoi d'autre? What else do you want? Non, pas le droit, là. Non. Ça va, les gars. Kardashian ass. Oh, yeah. Ah ouais, ouais, ouais. Ah. Et ça, dans le monde entier, ils n'arrivent pas à le refaire. Il y a qui c'est dingue. Ça se trouve, il a dit qu'il aimait ça. En fait, il aime pas du tout ça. Yeah, you were really serious when you said you liked croissants. No, I love croissants. Il adore, Recette française, traditionnelle. French recipe, French tradition. Way better than American. Ouais, beaucoup mieux que la recette américaine. On prend de l'eau. De l'eau. Prends de l'eau. Genre, tu sais faire un croissant. He's gonna explain to you. Farine. Water, flour. Sucre. Sugar. Beurre. On roule. You roll it. Et in the oven. La French touch. Ah. We take like that. On prend. Oui. Sous le bras. Ew. Oh. Under the armpit. Par le boulanger lui-même. Et il le garde et la pâte That's gonfle. That's the trick. Voilà. That's why it's sweet. C'est pour ça que ça a le goût sucré. Voilà, oh. C'est la petite touche française. C'est pour ça que vous ne le faites pas dans le monde, vous oubliez cette étape. That's why, you know, they can't do it anywhere else. Secret recipe. Voilà. Morceau de croissant. Would you like a more croissant? I have two. Il y en a deux. Hein. Ah non, moi j'ai pas le droit. I'm good now. Ah non, ça va, là il fait une petite pause. Ah moi je peux pas, je peux pas. J'aime bien, mais je peux pas. Il crame. Oui. C'est à toi. Bonjour. Enfin, hi Alex. Hello, how are you doing? I'm fine and you? I'm good. I love you. Thank you, I love you too. Ben, je me suis fait expliquer ma question tout à l'heure. Someone asked a question she wanted to ask. Bah, alors, tu sais quoi, Ikram, on s'en fout des questions. Allez. Si tu l'aimes bien, parle-lui, dis-lui que tu l'aimes bien, laisse tomber la question. Kiffe. Talk to him, Donc, enjoy the moment. I love you, so I want to ask you if you have a girlfriend. Voilà, la question. Savoir s'il a une petite amie, la coquine. Il fallait bien qu'on y arrive à un moment donné quand même. Will you be my girlfriend? Tu veux bien être sa petite copine, toi? Yes. Yes. Well, now I do. Ah, voilà, maintenant il a une petite copine. Quel âge tu as? Now I do. Quel âge tu as, Ikram? Oui. Quel âge tu as? L'âge qu'il faut pour non. lui. Non. Quel âge tu as? Quel âge qu'il faut? He says the right age for him. Oh, see. We might be running into a problem. Ouais, voilà, il y a peut-être un souci là. T'es mineur? Quel âge? 16 ans. Oh, ça va. Oh, see, can't, sorry. Ouais, non, c'est un peu trop jeune. Non, 16 ans. Non, il a raison. Il est trop jeune, oui. Too young. You're right, too young. But I do love you still. Mais il t'aime quand même, hein. Oh. Reviens dans 2 ans. Come back in 2 years. Bisous, ma petite Ikram. T'habites où? J'habite à Arles. D'accord, et ben, je te fais un gros bisou, puis à bientôt, bye. J'espère. D'accord? Bye. Bisous les amis. Et on va lui faire un bisou, Alex, oui. Qui était notre invité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de bon pour les... What can we wish for the future for you, Alex, before we say goodbye? Definitely some new music, new original music coming very, very soon. Hopefully you guys play it here. Sa musique à lui. And then hopefully you guys see me here again. Hopefully I come back out for another interview. Qui revienne faire une interview chez nous. T'es le bienvenu quand tu veux. You're welcome. Surtout qu'on se fait 4 euros à chaque fois au passage. Especially since we get 4 euros every time. Prochaine fois, croissant, baguette de pain, pain au chocolat. Everything. On va gagner du temps, on fera l'émission d'une boulangerie. Let's do the show from a pastry store. Okay, that sounds good. Il est notre invité. Thank you, Alex. Allez, mettez la vidéo, on vous la met en ligne. Merci d'être là, tout le monde. C'est pas fini, on est encore là, on n'est pas parti. À tout de suite, on vient. 22h. Énergie, Guillaume. Et parfois, même les provinciaux, quand ils arrivent à Paris, deviennent plus parisiens que les parisiens. Il y en a qui en font trop. J'ai des potes comme ça, moi. C'est marrant, c'est quoi après J'habite sur les hauteurs. Ah. Tu vois pas Rosa Bonheur, Guillaume? Oui, Rosa Bonheur, c'est une péniche. Un petit peu de rosé, Rosa Bonne. On va faire un apéro, je prends la gratte. Guillaume Radio 2.0. Ce soir, 22h. On Energy. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 2 packs de vitel achetés, 2 packs offerts. À

cambia es una sola y todo empieza ahora. Oh, oh, nunca pares de soñar, no te más ya no cuenta. Oh, oh, mi fuerza es mi sonrisa y te la regalo yo. Mi fuerza es mi sonrisa, el cielo me la regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza es mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor. Sonríe a la vida. Je ne veux pas vous spoiler, mais la 7e saison de Koé sur Énergie, je la connais déjà, moi. Julie va crier. Ah, Koé sera de mauvaise foi. Julie va crier. Ah, bah dis donc. Pietre et Guéguette feront les gamins. Julie va crier. Ah, Loris va finir chez les flics et... Julie va crier. Ah oui, salis-moi les cheveux. Oh, Julie. Koé, 19h, 22h. Sur Énergie. Et je peux faire un peu plus fort quand c'est bon, quoi. Oh là là. Énorme. Vous êtes des bâtards. Moi, je suis choqué. Vous avez vu ça? Je t'imaginais pas comme jours, ça. Kenji. Il sera notre invité jeudi prochain, Kenji. Avec Robbie, les Robbie gars. Robbie Williams sera là. Vous pourrez remettre ce jingle quand Robbie sera là ou pas? Ouais, mais il va dire il y a une hystérique, sortez là, tu vas l'assumer. Ouais, je vais lui faire peur. Sortez là, je ne veux pas l'avoir. MHD va venir. Vendredi, c'est Pitbull. Baby, baby. Il y aura Alvaro Soler qui vient aussi vendredi. C'est demain déjà. Ouais, demain, oh, et la semaine sera finie. Et vous oui. Irez, allez voir nos vidéos. Allez mater la vidéo qu'on vient de faire avec Alex Ayodo. Tu l'as coupé un peu brutalement. Tu t'en rends compte ou pas? Tu t'en rends compte? Tu t'excuses? Oui, je suis désolé. Voilà, tu te rends compte ou pas que c'est un peu brutal ce que je tu as fait? Je me suis rendu compte. Tu t'es dit quoi dans la tête? Tiens, je vais couper cette merde, ouais. J'en peux plus, j'ai entendu tout l'été. J'ai baissé trop vite. T'as craqué, mec, t'as craqué. C'est-à-dire, tes goûts personnels prennent le pas. Attention, si un jour un réa, ça peut être une heure un réa si tu continues. Hein. Dans ces cas-là, tu la fin, là. Dans ces cas-là, tu lui dis oui, je voulais entendre ta voix. Tu l'as coupé un peu plus blanc, oui, je préfère ta voix à blanc. Ah, ouais, tu vas rester réalisateur. On va pas progresser plus. Bon, tout ça pour dire que on a fait une vidéo. Vous l'avez tous vu le clip, la vidéo sur YouTube d'Alex Ayono qui se met derrière son sampler. Il a les claviers et il chante. Et c'est là où les filles ont commencé à dire ah, il est trop beau. Et ben dans la foulée, on s'est amusé à en faire un tout à l'heure avec lui là-haut. Ouais. D'accord. Et je pense que ça va vous faire kiffer. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Sauf que c'est moi qui le fait. Ah, c'est pas la même alors. Et c'est pas vraiment pareil. Mais il y a une surprise parce qu'il arrive dedans, je peux pas vous en dire plus. Voilà, donc, si, bah. Le gars a tout dit, tu sais. Voilà, de toute façon, voilà. Allez voir la vidéo, on l'a fait tourner sur notre. Drôle, oui. Là, ils vont la mettre, vous allez la voir maintenant. Oui. Et puis, allez là, on l'a sur notre YouTube, sur notre chaîne YouTube Koé officielle. Suivez-nous, c'est gratuit. Followez-nous sur Koé officielle sur Insta. C'est gratuit. Sur Twitter, ouais, c'est gratuit. Bah oui, heureusement. Parce que quand tu dis tu t'abonnes, bah non, toi tu dis tu t'abonnes, je suis sûr mais qu'il y a plein de gens. Il y a des trucs qui sont payants. Il y a des chaînes qui sont payantes et il y a des vidéos, si tu veux les voir, tu payes, madame. C'est vrai? Bien sûr que sur oui. Sur YouTube? Sur YouTube, il y a mais des non. vidéos. Tu veux charger des vidéos de documentaires, tu rack. C'est ah, un PayPal. Pour moi, alors, je tu mets pas. 2 euros et tu payes. Ah ouais? Et il y a YouTube Premium aussi. Ah pour prévoir les pubs. Est-ce qu'on t'a bien calmé ta j'ai gueule appris quelque chose. Voilà, je n'irai pas me coucher bête. Moi aussi, encore, aussi un encore un peu. Il y a de la marge. On a essayé que ça aille mieux. Bon, Julie, je te souhaite une bonne nuit. T'as des trucs de prévu cette nuit ou pas? Des folies? Bah non. T'as vu comme elle dit ça? Bah non. Bah non, mais je rentre chez moi. Bon, là, à mon avis, voilà. Ce soir, il y en a pas un qui a des trucs de folie. Attendez, à faire. Hein. T'as des trucs de folie à faire, toi, ce soir? Ce soir? Oui. Oh là non. Bah non, il se fout ma gueule. Oh non, non, puis ce week-end, c'est week-end famille, enfants. Je non, fais non, rien non. ce week-end non plus. Non, non, ce week-end, c'est. Allez revoir la vidéo du petit pas de danse de Madame Bou. Ah oui. Qui est donc. Qui est celle qui fait la musique chez nous. Avec Alex Ayono. Oh, petit pas de danse en diablé que tu nous as fait, toi. Je ne savais pas qu'une coquine latino sommeillante. Eh, t'as pas tout vu, hein. Parce qu'elle danse très bien. Mais j'ai l'impression, là. Parce que d'habitude, quand je la vois, c'est genre. Eh, dis donc, vous m'enlevez pas ce titre-là. Vous me laissez mettre mes Gims à la place, hein. D'accord. Vous m'enlevez lui, mais pas lui. Puis lui, on s'en fout, ça teste pas. Et là, je découvre et quoi je découvre, mais toi, tu connais pas Madame Bou en soirée, parce ah qu'à chaque oui fois, tu viens pas. Mais ouais. Elle danse et elle chante. Ouais. Elle se lâche. elle twerk, elle a fait des trucs d'ouf. Pièce, tu fais quoi sur les podiums? Ah bah ce soir, je vais me coucher, je vais rentrer. Ce soir, je vais me coucher. Oh, putain, on a des soirées de ouf, les gars. Vous savez quoi? Est-ce qu'on peut réécrire l'histoire? Ça vous dérange pas pour nos auditeurs? Un soir, ça va être la fête. Guéguette, tu fais quoi ce soir? Ce soir, j'ai une orgie portugaise. Ah, c'est cool. Moi, un son en parachute en pleine nuit. C'est génial. Ouais. J'ai un plan à trois avec Gad et Kev. Ah, je peux venir avec vous du coup? Non, parce qu'on est que trois. C'est un plan merde. À trois. En fait. Voilà, c'est tout. C'est, non, de, non, surtout pas. T'as un autre truc? Bah non, du coup. Même en imaginant, t'as une soirée de merde. C'est-à-dire que même quand je te dis travaille ton imagination, Lana, elle fait danse, c'est toujours pareil. Non, parce que je voulais dire un plan à trois, mais tu me l'as piqué. Avant de terminer, le mot de la fin de Stouff. Sucer n'est pas trompé. Oh non, oh putain, oh oh, bonsoir quand même, allez, on part. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. À l'antenne sur Énergie, Koé qui est là et qui était dans Touche pas mon poste aussi tout à l'heure, 21h59. On est en direct du coup jusqu'à minuit, Guillaume Radio 2.0, si vous voulez venir avec nous, on est putain bien content d'être arrivé, bordel. Je vais vous passer une bonne journée les gars. Si ça va pas, si vous arrivez à un truc, si vous arrivez à un truc de fou, si vous voulez venir le raconter un peu marrant, vous êtes à la maison hein. 0800 70 42 48 en allume standard et puis c'est parti. Première émission de France à partir de 22h, vous êtes hyper nombreux à arriver les mecs, merci beaucoup de ce rendez-vous, merci beaucoup d'arriver comme ça en masse et tout, ça fait plaisir. Juste prix tout à l'heure, j'ai des cadeaux, j'ai des Xbox One, j'ai des PS4 à vous offrir, des tablettes Samsung Galaxy Tab A. On est bourré de FIFA 17 aussi. Donc si vous en voulez, je vous les filerai tout à l'heure, on se fera une nouveau tal. Il y a Pornhub qui vient de poser les catégories là de voilà, ils ont mis les catégories les plus regardées cette année. Vous allez être étonnés, voilà, vous êtes étonnés, on va les lire dans deux minutes. Bonsoir à toute l'équipe en parlant de films de boules. Vous avez peut-être un pote chez vous hein, qui. Vous êtes. J'imagine consommateur de films de boules comme tout le monde. Mais on a tous un pote qui en parle un petit peu plus. Nous, c'est limite, c'est un peu égalité avec toute l'équipe. C'est un peu tous. J'ai un stagiaire. Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde. JM du standard. Salut Guillaume, salut à tous. Julia qui est salut là. Salut Guillaume, salut tout le monde. Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. C'est très marrant parce que. T'as plus mal au ventre. Alors, c'est vrai par SMS. Ah, oui. Ah, hier soir. Hier, on a eu très mal tous au ventre. On a mangé de la nourriture de cosmonaute avec un astronaute qui est avec nous, un astrobiologiste. Ouais. Donc, c'est un spécialiste des plantes en fait dans l'espace, en gros. Voilà, faire cultiver des patates et tout ça. Et oui, donc ça va mieux. Oui, mais j'ai failli aller à l'hôpital après l'émission. Ah, quand même, ouais. Mais t'as moi, je suis resté jusqu'à 4h et tout. J'ai beaucoup de boulot. J'ai resté avec Julia un peu tard. Ouais. Et je peux dire, j'avais le ventre gonflé. Non, mais aller aux toilettes, non, mais ça n'a rien à voir. Ah, si, il faut expliquer. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Genre, je serais aux toilettes. Comme ça. Mais je sais pas pourquoi. J'avais dû. Mais c'est comme gonflé. Mais je sais pas d'où ça venait. C'était hyper difficile. Ouais, j'ai eu le standard. C'est passé assez vite. Ouais, c'est passé. Je suis allé aux toilettes direct après. Et ça allait beaucoup mieux. Mais j'y suis retourné ce matin et tout. Hein. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Deux fois, on parle. C'est intéressant, ça. Ouais. Merci de nous faire vivre. Avec plaisir. Ton rythme gastrique. On a le chiffre du jour, on a le juste prix tout à l'heure. On se fera comme tous les jeudis un faux casting de télé-réalité. On a mis des petites annonces, on a eu des réponses. Je me ferai passer pour un casteur. Et on appellera tout à l'heure. JM du standard, on a eu des réponses. Ah, on en a plein, Guillaume. Ah, c'est vrai. On a des belles filles, on a des mecs. C'est énorme, et tout, ça. Ah, ouais. Ça, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que je vais me faire passer. Je vais prendre le générique des anges de la télé-réalité. Et je vais dire salut, c'est Brian. Comment tu vas? Il est 22h02, nous sommes en direct, c'est jeudi soir. Tu as postulé pour le casting? C'est moi qui t'appelle. Je suis avec MacPherson, mon assistant. Hey, salut, moi c'est MacPherson, le directeur de casting. Enchanté. Exactement. Et donc voilà, on va le faire après. Ouais. Bon, par contre, il faut que ça réponde, hein. C'est un peu du hasard. Croisez les doigts. Donc on le fera tout à l'heure. La semaine prochaine, on a plein de cadeaux à vous filer avec Mafia 3, le jeu qui sort. Ouais. On fera des défis d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Guillaume. On fera des défis. Tous les soirs de la semaine prochaine, un défi en rapport avec la Mafia. Oula, on va envoyer Julien stagiaire. Tranquillement, parce que la rue de Naples. Non, ça me fait un voyage pas cher, mais pour Naples, la mafia. Il le sait pas, il le découvre ce soir. Je reste en vie quand même. On va l'envoyer à Naples avec un panneau fuck mafia. Ah après, c'est enterrement de Julien. Je fais pas 5 minutes. Là. Ça serait drôle. Hein. Ah ouais, ouais, non, je pense. Ouais, si, ils ont de l'humour, je pense. Si, je pense qu'ils vont pas aller exécuter quelqu'un dans la rue. Avec ma tête, j'ai pas l'air méchant. Si, toi, tu crois que je sais pas. Ouais. Ils vont pas aller se risquer de se faire arrêter. Au moins, ils se tapent. Mais ils me connaissent pas, ils s'en foutent. Non, je pense pas, moi. Franchement, je pense pas. On va envoyer Julien stagiaire. Non, je vais rester en France. Pas d'où ça vient. Ah oui, pourquoi? Ouais, bah si jamais tu prends une balle, je pense que. Ah oui, tu rentres jamais les mecs. Voilà. Ah bah non. C'est fou la faculté de Jimza à faire une phrase qu'on ne comprend pas. D'accord, ouais. Bon, et en tout cas, si vous voulez, comme je viens de stagiaire qu'on va envoyer à Naples. Ouais, enfin moyen. Est-ce que vous avez une idée de défi pour la mafia? Un rapport avec la mafia, avec Mafia 3, le jeu qui sort la semaine prochaine. Il sort quand le jeu Mafia 3? Le 7 octobre, Guillaume. Voilà, vous envoyez un hashtag sur Twitter. vous mettez un petit tweet, hashtag Guillaume défie la mafia, défie avec un E, hein, D-E-F-I-E, Guillaume défie la mafia, vous proposez un truc, et si on accepte votre défi, vous gagnez une PS4, et tous les jours, plus le jeu Mafia 3 la semaine prochaine. C'est énorme. Non, voilà, Guillaume défie la mafia, petite PS4 si vous trouvez une bonne idée de défi, et on le fera avec plaisir. Bonsoir à l'équipe, dédicace à la police des transports de Saint-Nazaire, salut les gars. Salut. C'est un plaisir de vous écouter, de vous retrouver dans mes oreilles, voilà, salut les gars aussi. Salut. Guillaume au début du texto, et vous le balancez au 6, 11, 12, pour une fois vous êtes en vacances. On est pas en vacances. En avance, non. Ah, en avance, pardon. C'est bien, n'oubliez pas la blague de JM du standard. JM du standard, t'es prêt? Je suis prêt, Guillaume. Et tous les soirs, notre standardiste JM du standard, normalement, nous sort une blague à 22h09. Ouais, dans 5 minutes. On verra donc ce que ça donne et on accueille le premier d'entre vous qui est là au standard. Ça va, Dylan? Ça va, mon Didi? Ah, alors, putain, va, ça va. Salut. Si on te capte une lettre sur deux, ça va être fou. Tu captes un peu mal, Dylan? Non, ça va, vous m'entendez bien là? Un petit peu. Bon, ça va. Dans le 63, tu nous commencer. Appelles. Le Puy-de-Dôme. Oui. Ouais. Bonsoir, on a Dylan avec nous. Il est où le Dylan? Il est où? Il est où le Dylan? Il est où? À Antoine. Dans le 63. Ouais. C'est représentant de 6-3. Ouais, Puy-de-Dôme. Ouais, dédicace à tout le monde. En Auvergne, ouais. Clermont-Ferrand, Vichy, etc. etc. Ouais. Voilà. Ouais. Didi, là. Bon. Déjà passé à la radio, Dylan, ou jamais, toi? Jamais, un petit dépucelage. Oh ah. Dépucelage. Ça fait mal. Dépucelage. Là, on a un comics sur ça. Il est bruiteur aussi. On a un dépucelage sur le clic-clac. Ouais. C'est toi qui as inventé le clic-clac qui fait mal au dos, là, tu sais, quand t'as chez toi. T'as jamais fait une nuit, là, ta pire nuit, c'est pas le sujet hein, de la discussion ce soir, Dylan, mais est-ce que t'as déjà eu une pire nuit en termes de confort? Ta pire nuit en termes de confort, Dylan? Dormir sur une table. Ah ouais, c'est pas très bien. Ouais. Bah ça dépend de la table. J'ai passé toute une nuit sur la table, ça faisait super mal au dos. Ouais. Moi ma pire nuit c'était sur deux sièges de voiture. Ah bah ouais. Les deux sièges avant, allongés sur le côté. En fait les deux sièges posés dans un grenier avec des potes, on avait un squat. Ils avaient tous des banquettes et moi j'étais le dernier arrivé. Ouais. Ah merde. Ouais. Et je m'étais fait un peu ken. Du coup j'ai pu parler à ce pote là pendant 5 ans. Tu l'as c'est vrai, après une nuit qui était catastrophique et j'avais 50 cm entre les sièges, c'était horrible. J'ai mis ça dans ta pire nuit. Ouais, par terre sur un balcon. Ah ouais d'accord, voilà. Sur un balcon pourquoi? Ouais, c'était chez moi, bah je sais pas, on avait trop bourré. On avait eu cette idée avec les potes, on s'est dit allez ce soir on dort sur le balcon. Pourtant il y avait des lits dispo, hein. On s'est dit allez on dort sur le balcon. Oh voilà. Les défis de merde. Ouais, ouais. Oh les défis de merde. Ah ouais, c'était J'ai déjà eu une pire nuit à cause d'un mal de cul, un truc comme ça. Bah mal de cul non. J'ai mal au cul après parce que j'ai dormi sur un transat. Un transat à la plage. Ouais. Et j'ai été réveillé par un chien qui me léchait les pieds. Ah ouais. Et vu que j'ai peur des chiens, bah ça m'a un peu réveillé et puis je suis parti. Voilà. C'était pas un chien, tu vois. Bah c'était un chien. Faut que je vienne stagiaire se déguise en parrain qui propose une protection d'échange d'argent à tous les commerçants. Ah ouais, en parrain. Ça c'est drôle. Oui, mais je suis pas crédible en parrain. Ça c'est drôle. Un costume. Gaëtan du 76, ça c'est marrant ça. Avec un cigare. Attention parce qu'à Paris c'est quand même tendu. C'est tu vas dans un restaurant chinois, tu dis je vous protège, tu peux vite te retrouver avec un coup de katana. Avec une malaise. Pour le défi mafia, vous allez voir les commerçants du quartier, vous demandez votre part de bénéfice. Ah ouais, mais ça c'est la vraie mafia. Ça, ouais. Salut Jérémy. Bah ouais, comment on fait mais là, c'est sur Twitter les mecs que ça se passe. Hein. Ouais. Hashtag Guillaume défie la mafia. Et vous me les mettez. Il y en a qui envoient juste Guillaume défie la mafia par SMS. C'est pas le but, hein, les mecs. C'est vraiment sur Twitter, vous mettez hashtag Guillaume défie la mafia. J'irai lire ça après, j'en sélectionnerai 5. Ça sera 5 PS4 d'offertes la semaine prochaine. Ouais. Alors, on va retrouver donc mon Dylan. Qu'est-ce qui t'arrive, Dylan? C'est une histoire très très folle, très très, très conne. En fait, c'est que ma copine, elle a vu des messages dans mon téléphone. Et je parlais avec mon ex. Et du jour au lendemain, elle s'est énervée et tout. Elle a pris le couteau, elle m'a menacé, mais vraiment pas du style les petites poupées, quoi. C'est vraiment, elle voulait me planter et tout avec le couteau, quoi. Ah ouais, à cause d'une dispute? Merde. Non, elle a vu les messages, après on s'est embrouillé et tout, et après elle a pété les plombs, elle voulait me poignarder, quoi. Ouais. De là, elle était en mode violence, quoi. Ah ouais, Nabila. Je sais pas si c'est chaud. Ouais. Est-ce que pareil que Dylan, là, qui a eu une sorte de bagarre en couple, hein, elle a pas réussi à te planter, du coup, ça s'est fini comment? Bah, en fait, elle a essayé de mettre un coup, quoi, mais après, je l'ai esquivé gentiment, quoi. Je l'ai poussé. Ouais. Sans les faire trop mal et tout. Et après, ben, on a discuté et tout, et de là, bah, c'est fini entre elle et moi, quoi. Ouais, bah, normal. Mais si elle commençait déjà avec un couteau. Maintenant, elle finirait quoi avec plus tard? Ouais, franchement, moi, il y a une fille qui essaie de me planter, mais c'est même pas une demi-seconde de réflexion. Ah ouais, c'est même pas une demi-seconde. C'est la rupture. Ah ouais, bah déjà, je lui en mets une dans la gueule, oui, parce que s'il arrive sans raison. Non, j'ai dit, c'est une fille qui arrive. Bah, tu te défends, c'est comme si un mec. Vraiment, qui essaie de me planter, je lui en mets une pour la, pour la pousser. Je vais pas prendre un coup de couteau parce qu'on fait pas mal. Femme ou pas femme. Franchement, j'y aime du standard. Pareil. Non, mais je m'en doute, ce serait tout le monde. Un humain se défend. Oui, il y a un réflexe, quoi. Je l'ai poussé, mais après, je vais vais pas non plus lui dire ah ma chérie je vais t'aimer bisous bisous. Ah non mais c'est moi je me casse ça. Non mais c'est sûr. Des fois, alors, si on est chez moi et que voilà, je dis prends tes valises et casse-toi. Mais et encore pire, je la mets dehors et je jette ses vêtements par la porte. Hein. Ouais. Dans les films. S'il a essayé de me planter, au sens propre du terme, je te parle, s'il a essayé de mettre un coup dans le vide et que je l'ai esquivé. Comment tu fais? À quel moment? De quoi mettre un coup? C'est dingue. Tu te dis tu réfléchis pas quand tu vas le tuer le mec. C'est ouf. Mais si elle t'aime, pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà battu en couple? Est-ce que vous avez eu peur de votre conjoint, de votre meuf, de votre mec? Est-ce que ça vous est déjà arrivé vraiment d'avoir un peu peur de la personne avec qui vous sortez? Genre, vous êtes au collège, vous sortez depuis 6 mois avec une meuf et elle apprend que vous venez de la tromper et vous met une grande patate dans la bouche. Ouais, coup de sang, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu pareil peur de quelqu'un? J'aime du standard. Ouais, moi c'était avec une fille avec qui j'étais resté un peu et en fait je lui ai annoncé que j'allais la quitter. Et on était au lit en fait, tu vois. Elle me dit, maman, tu sais. Toi, t'annonces au lit que c'est vrai? En fait, c'était une discussion, quoi. Tu vois, j'étais pas censé la quitter ce soir-là. Et en fait, on a commencé à en parler et tout, et au final. Mais après y avoir niqué? Non, on a pas niqué encore. Ça aurait dû arrêter le drame, je pense. Pendant. Et en fait, elle me dit, mais putain, t'es qu'un pauvre connard, tu sais que je vais rentrer chez moi. Et elle était vraiment super énervée, mais on s'est pas. Voilà, on a pas mis de patate, tu vois. Mais j'ai senti la claque pas loin. Ouais. Elle m'a dit, tu sais très bien que je vais rentrer chez moi maintenant, que t'es qu'un pauvre con, et tu me reverras jamais. Voilà, ok, bon, il se passe rien. Je vais pas le dire. Il a eu demi-histoire. Et parfois, t'as un soupçon de. Il va peut-être se passer. Au début, tu te dis, il peut se passer un truc. Et vraiment, en plus, moi, je le connais, j'aime ça. Je sais bien que l'histoire est. Mais j'y crois. Alors, JM du standard pour te faire pardonner, il est 22h10, on a quelques secondes de retard, mais tous les soirs à 22h09, JM du standard nous sort une bonne blague. Donc, faut être là au début de l'émission. Quand je vous dis une bonne blague, c'est pas vrai. Une blague. C'était une vanne. Et puis après, une fois sur deux, elle est bonne. Une fois sur deux, elle est pas bonne. Non, une fois sur deux, elle est moyenne. Une fois sur deux, elle est pas bonne. Alors, faut dire la vérité. Et une fois sur dix, elle est très bonne. Merci, voilà. Bon, là, on va essayer de s'améliorer. Ouais. Le bonheur, il est en écoutant ton émission. Salut Fredo, merci bis frérot. Salut. Amène, j'ai un stagiaire en Sicile. Habillé en sadomasochiste et provoque la plus grosse famille mafieuse. Salut Kevin de Brest. Enfin bon, si on peut éviter aussi. La semaine prochaine, c'est Guillaume défie la mafia. Hein. Oubliez pas, il y a Mafia 3 qui sort, donc on va défier la mafia. Ouais, c'est pour rire. Enfin, défier, hein. Ouais, c'est des trucs gentil, pour rire, hein. Attention. Hein. Il y en a qui veulent. Ouais, non. Vous avez qu'à enlever le fils du plus grand mafieux italien. Mais oui, c'est une bonne idée. Ça s'appelle comment? C'est rigolo. Moi, mon ex-mari a essayé de me poignarder. J'ai dû partir de la maison en courant avec mon fils de 5 ans. Obligé d'appeler les flics, il a été interné en HP sur le champ. Salut Kaline. Ah ouais, salut. Comme ça. Ah ouais, non, mais il y a des mecs, il leur manque un demi-cerveau. Non, mais c'est vrai, tu sais pas ça. J'aime du ça. On écoute ta vanne. Ouais. Après, on fait le classement Pornhub, on prend toutes vos réactions. Est-ce que vous avez déjà eu peur, hein, comme Dilou, Dylan qui est là, et qui a eu peur de se faire planter par sa copine, hein, parce qu'elle avait vu que tu avais envoyé un message à une autre meuf, hein, c'est ça? Ouais, à mon ex. Tu la requennes ou pas quand t'étais avec elle? Oui, quoi, mais voilà, sans qu'elle le sache directement, quoi. Ouais, elle a pas essayé de te planter pour rien non plus. Pour qu'elle sache. En général, quoi, il faut bien que je profite aussi, quoi. Et t'as porté plainte ou pas, du coup? Tu l'as attaqué, la meuf, non? Non. C'est vrai, Non, je suis pas non plus bâtard à ce point-là, quoi, mais bon. Ouais, bah putain, t'es gentil. Ouais, t'aurais pu, hein, mais bon. Ouais. J'aime du standard. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, alors? Non, me faire planter, non. J'ai jamais rien rentré dans ton corps. Bah non, je sais pas, la fille, tu vois. Je me suis déjà battu avec mon ex, n'hésite pas à appelle-moi. Et t'as pas laissé ton numéro, frérot. Guillaume et votre histoire avec votre numéro de téléphone, hein, au 6 11 12. Il faut commencer le texto par Guillaume et vous l'envoyez au 6 11 12. Alors, j'aime du standard. Ouais, Guillaume. Vas-y, on t'écoute, c'est parti pour la vanne du soir. Allez. 22h09, on t'écoute. Alors, c'est un docteur, en fait, qui cherche un assistant pour tamponner ses ordonnances. Et des fois, il faut tamponner 10 ordonnances d'affilée, donc il faut que le mec il puisse compter jusqu'à 10. Alors le premier candidat il arrive et tout, le médecin lui demande de compter jusqu'à 10. Il commence 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le médecin il est content, il fait mais par contre faut compter dans l'autre sens. Et là le mec il lui dit non, j'ai travaillé à la NASA, j'ai toujours compté comme ça, donc il se fait recaler. Le deuxième candidat il arrive et tout, il lui demande de compter jusqu'à 10 et il fait 1, 3, 5, 7, 9, 10. Le médecin il fait monsieur c'est pas le bon ordre. Et le mec il dit ouais mais j'ai travaillé comme facteur et j'ai toujours compté comme ça en passant de boîte aux lettres en boîte aux lettres. Du coup il se fait recaler. Le troisième il arrive et tout, il lui demande de compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le médecin il est content, il lui demande où il a travaillé avant. Et le candidat il lui fait j'ai travaillé dans un bar. Et le docteur il fait mais vous savez ce qu'il y a après 10 alors? Et le mec il fait oui, il y a 10, valet, dame et roi. Oh putain, elle était bonne! Ah merci Guillaume! Et il n'y a pas eu de bug! Le mec il se branle quoi! Ouais, je suis content. Elle est très très forte. Bah, mais... Merci Guillaume. Mais, non, franchement. Ouais, mais je l'ai comprise, bravo. Franchement, bravo. Elle est l'option. Je suis mort. Énorme. Et, non, mais attends, franchement, elle était énorme. Je savais pas où t'allais en venir. Merci Guillaume. Ça fait plaisir. Franchement, vous pouvez lui envoyer un message de félicitations. Ah, merci beaucoup. Guillaume, et votre petit message aussi sans doute, cette petite dédicace, juste pour lui dire bravo. Voilà. Merci beaucoup. Il faut encourager quand un enfant fait quelque chose de bien. pour que ça se repasse le lendemain. Exactement, voilà. Ouais. Je me suis déjà battu avec mon ex, n'hésite pas. Alors voilà, j'ai ton numéro. 0 a été pourri, j'ai pas rigolé. 20 pour une fois, c'était une bonne blague. Merci. Déchiré et tout. Salut Johan et Angel de Kevin et la Cigogne. Salut. Félicitations, encore une blague. Énorme. J'ai pas Twitter, mais un défi mafia imprimé des faux billets. Ouais, enfin bon. Et les donner en disant Viva la mafia. Et parler en italien. Ouais, sûr. Les faux billets, c'est chaud. Ouais. J'aime pas trop. Hein. PDG du 78, salut à toi pour l'idée. Merci. 19 sur 20. Merci. Mon mec, je sais pas comment le quitter. Appelle-moi. Ah bah, il y a plein de messages. On va vous appeler là. Oula. Félicitations, le petit scarabée a grandi. 20 sur 20. Bonne blague pour une fois. Bisous à vous tous et à Jean-Fifi. 20 sur 20. Voilà, Thomas du 27. C'est bien, JM du standard, tu es génial. Merci beaucoup. On se raconte un petit peu. Félicitations énormes, mec. Voilà, Guillaume et votre message. Allez-y, j'ai lu les messages. On dirait 22h14. Il y a du foot ce soir, j'ai stagiaire. Ouais, il y a Saint-Étienne-Anderlecht en Ligue des Champions, là, en Europa League, pardon. Toujours 0-0. Voilà. Saint-Étienne-Anderlecht. En Europe. Moi, on s'est embrouillé avec ma collègue et son chien m'a mordu le bras. Salut Eric. Salut.